Le jeudi, à 20h, on s'occupe de vos ménages, on agite vos neurones, on ouvre les esprits. Le débat Déo, c'est maintenant sur Radio Gémozo. Tous et bienvenue pour notre rendez-vous. Et c'est vrai que je ne m'entends pas. Pour notre émission de ce soir, l'équipe habituelle et quelques invités. Est-ce que vous m'entendez de votre côté? Moyen? Ouais, moi je m'entends pas non plus. C'est bizarre. Bref, voilà. Ouais, il y a un truc qui marche pas. Un, deux, voilà, ça y est, on t'entend, Julien. C'est entre, vous vous entendez la chaise et la console. C'est un peu faiblard, je pense qu'il faudrait peut-être baisser un petit peu le bed. Ok. Mais c'est vrai que là, je suis de nouveau perdu, je ne comprends pas ce qui se passe, je n'entends rien dans mon casque. Bon, c'est pas grave. Donc nous avons notre ami PJ qui est là ce soir avec nous. Salut PJ. Bonsoir. Ah, tu viens me sauver, je n'entends rien. Je n'entends rien. Condition du direct, ça arrive. Ah, elle m'a sauvé. Y avait-il une pré-écoute par hasard? Mais je... C'est quoi qui allait pas? En fait, la pré-écoute n'était pas allumée. D'accord. La pré-écoute n'était pas allumée. Ok, ok, super. Bon, nous revoilà. C'est bon, cette fois, je m'entends, je vous entends. On est ensemble pour 2 heures de débat. C'est le débat Déo. Avec mais notre débat ami... pour l'instant. Plutôt bas pour le moment. Notre ami PJ est autour de la table, comme à son habitude. Salut PJ. Bonsoir de nouveau. Bonsoir. Il y a à côté de lui Laetitia. Bonsoir. Bonsoir Laetitia. Julien D. Bonsoir. Notre ami Lou, que vous connaissez bien. Eh oui, bonsoir tout le monde. Et ce soir, nous avons un invité exceptionnel. J'espère qu'il reviendra plusieurs fois si ça se passe bien. On va essayer de faire en sorte qu'on cartonne ce soir. C'est notre ami Gaël. Bonsoir Julien. Alors, nous avons une soirée très mouvementée en prévision, un débat riche en points, en uppercut, je pense. Voilà, on va voir ce qui va se passer, mais le sujet de la soirée, c'est le véganisme. Donc, a priori, c'est un sujet d'actualité. Vous en avez tous entendu dernièrement parler dans les médias nationaux. Il y a eu donc les actions violentes de quelques groupes véganes sur les boucheries, hein, bouchers, meurtriers, etc. Vous avez tous entendu parler de ça dernièrement. Il y a même eu le 27 septembre dans l'Ain un abattoir qui a été incendié en pleine nuit, a priori d'origine criminelle. Et donc tout le monde se tourne vers les véganes pour accuser. Bon, il n'y a pas eu de revendication officielle, mais voilà, tout le monde regarde les véganes d'un drôle d'œil. On va essayer d'en discuter, comme toujours, avec un point de vue très très mouvementé, hein. Je sais que les avis autour de la table sont très très, hein, bon voilà. Faut-il s'inquiéter de la violence des militants véganes? Qui est chaud? Chaud ou pas, je ne sais pas, mais est-ce que tu n'aurais pas un extrait pour illustrer ça? Parce que c'est vaste. Ah, tu veux qu'on commence avec un extrait? Ce serait pas mal, je pense. Ouais. Ah ouais, bon, on peut... Pour mettre dans l'ambiance, justement. On peut se mettre dans l'ambiance avec un extrait. On vous met donc l'extrait de ce qui s'est passé très récemment. Alors, je crois que c'était... Je ne sais plus c'était sur quelle antenne. Je crois que c'était sur LCI. Voilà, on a pris le sample tout à l'heure. On était un peu en retard, excusez-nous. Donc, je vous laisse écouter ça tout de suite. Va vraiment falloir que vous commenciez à vous y faire. C'est une résistance de justice animaliste, antispéciste. Le véganisme, c'est un mode de vie, c'est une abstinence individuelle. Nous portons un combat politique de justice sociale, le plus grand du siècle, le plus grand sûrement de la civilisation. Donc ne réduisez pas cette lutte gigantesque à quelque chose d'identitaire. Voilà. C'est le plus grand massacre de tous les temps. Au moment où on parle, il y a des camions de déportation qui recommencent à arriver dans les camps de la mort, avec des bêtes qui sont patauges dans leur merde, qui ont vécu une vie de torture. et qui vont être sur les dernières secondes de leur existence où ils vont voir leur congénère se faire assassiner. De quoi on parle là ? De quoi ? De dégradation, on vous parle de dégradation sur des chairs sensibles, sur des personnes, sur des individus uniques. Donc il va falloir à un moment donné que le débat s'élève. Quand est-ce qu'on parle des victimes ? Le robinet du sang des abattoirs, il est où ? Quand est-ce qu'on parle du crime nataliste ? Quand est-ce qu'on parle de l'holocauste nataliste qui consiste à modifier génétiquement des individus pour booster leur prolificité, pour qu'ils aient plus de bébés qu'ils n'ont de tétines ? Est-ce que vous voulez voir des individus qui s'étouffent dans leur merde ? Il y a de plus en plus de gens conscientisés qui sortent de la dissonance cognitive, qui arrêtent des désoophages et qui rentrent dans la résistance et qui nomment « nous nous battons pour que la violence cesse ». Oui ? Pour nos alter-ego animaux ? Pour les autres animaux. La France est un pays particulièrement zoophage et enraciné et qui tient à son crime zoophage. Et puis, oui, nous allons bien sûr continuer jusqu'au bout. Rien ne nous arrêtera, puisqu'en fait, nous vous rendons service, hein, puisque faut savoir que l'élevage, en fait, empoisonne toutes les conditions d'habilité de la planète qui ne permettront pas à vos enfants d'y vivre. Donc, il serait grand temps que les médias s'intéressent à cet aspect des choses, tiennent leur rôle, prennent leurs responsabilités. Alors là, on est dans le vif. On est tout de suite dans le sujet. Il y a du lourd. Ça frôle le point Godwin, quand même. C'est gratiné. Hein. Donc là, on a entendu Solveig Alloin, donc, qui est la porte-parole de Boucherie Abolition, qui s'exprimait au micro de la matinale de LCI donc, le 27 septembre. Donc c'est tout frais. C'était dans la petite période qu'on a vécue ces dernières semaines où le véganisme faisait débat dans tous les médias. On a attendu un petit peu que ça se calme pour en parler chez Radio Gameuzo. C'est surtout qu'on venait déjà de passer notre émission du mois dernier. Donc voilà, on en aurait une toutes les semaines, on aurait déjà parlé de ça. Alors, je sais pas vous, hein, moi, ces propos me font assez peur. Je trouve ça assez terrifiant. Qu'est-ce que t'en penses, PJ, toi, d'entendre ça ? Bah, c'est le champ lexical qui m'inquiète. Ouais, voilà. Ouais. En fait, je pense qu'il y a un message. Il y a des choses qui sont vraies, des choses qui sont pas du folklore, mais qui sont exagérées. Et bien, c'est surtout le champ lexical. C'est que tous les avis sont défendables, mais là, le champ lexical employé, il m'a effrayé. On est dans les ayatollahs là. C'est carrément, c'est même plus le prêche. C'est l'extrémisme pur. On a un champ lexical. On a l'impression qu'on décrit des camps d'extermination nazie. Ce que je disais, ça frôle le point Godwin, mais je pense qu'en fait, on atteint le point Godwin parce que, pour ceux qui rappellent, qui ne savent pas, le point Godwin, c'est quelque chose sur Internet qui tend à dire que quand on n'a plus d'arguments, on compare avec l'époque nazie. L'Holocauste, ouais. Voilà. Et là, c'est violent, les propos, la comparaison, la métaphore. T'enlèves les mots véganisme et machin, t'as l'impression d'entendre des personnes qui parlent. De ce qui est arrivé à l'époque du nazisme. Ah non, mais c'est clair. J'ai envie de dire, et à un moment donné, on peut être d'accord avec ce qu'elle dit sur le fond, on peut être contre, c'est un choix, mais comparé avec l'Holocauste, moi, ça va loin. Alors, surtout que là, elle répète, hein, ça serait qu'une fois dans son propos, là, on a entendu, il y avait 1 minute 55 de propos, on l'a entendu à plusieurs reprises. Je pense que c'est plutôt une histoire de manque d'efficacité de communication. Lou. Oui, en fait, sans prendre spécialement la défense ou pas des véganes, mais je pense que ça viendra au fur et à mesure du débat, il faut savoir que les véganes aussi sont avant toute chose antispécistes. C'est-à-dire que pour eux, chaque espèce vivante est sur le même plan que l'être humain. Donc, si des horreurs sont arrivées aux êtres humains, elle fait la comparaison. C'est vrai que ça peut sembler violent, mais... J'avais le même avis à 12 ans. Il faut comprendre, en fait, le raisonnement derrière que, voilà... Si pour eux, voilà, ça antispécistes. Ils sont antispécistes. Le plan d'horizontalité, on appelle ça, le fait que tout le monde soit, que tous les animaux soient sur la même. Ouais, merci. Alors, c'est un premier débat à régler. Du coup, c'est est-ce qu'on est des animaux comme les autres, hein? Alors, le débat est assez large, Gaël. En fait. Oui, je me permets à mon tour de prendre la parole. Peut-être qu'il faudrait rappeler aussi le contexte dans lequel s'inscrit le véganisme. C'est un mouvement qu'on a découvert assez récemment. Hein. On a parlé de différents modes ou régimes alimentaires. On a parlé de végétarisme, on a parlé de végétalisme. Maintenant, on parle de véganisme. Là où je partage un petit peu ce qui s'est dit, c'est qu'il y a des propos qui sont assez violents, assez extrêmes, mais... Pour ma part, je pense que ça fait partie d'un discours, au même titre qu'un politique. Quand on va sur une chaîne comme LCI, excusez-moi de le dire, mais sur notre antenne, ici, on est une radio locale et on sait que la portée va être beaucoup moins grande que sur LCI, où on sait qu'on va être écouté par des millions de téléspectateurs si on regarde à l'échelle mondiale. Et le discours se doit d'être percutant, limite buzz, pour faire réagir. Et ça a marché, la preuve, on réagit. Maintenant, là où je ne partage pas forcément la vision de Julien, c'est que ça peut paraître extrême de comparer à l'Holocauste en tant qu'événement historique, mais est-ce que c'est si extrême que ça quand on considère le terme massacre, pour moi, est largement le bon, parce que c'est un massacre, très clairement. Alors, moi, ce qui me gêne, c'est que tu me parles de buzz médiatique. Pour ma part, alors je ne sais pas vous, autour de la table, hein, j'ai rencontré des personnes autour de moi, dans mon cercle proche, qui sont capables de tenir des propos du genre. Alors ils les ont sans doute entendus, hein, on ne pompe pas ça comme ça, mais j'ai déjà entendu des personnes autour de moi. Du coup, je pense que même localement, c'est un sujet qui anime partout sur le territoire français, y compris dans nos petites Vosges, dans nos hautes Vosges. C'est vrai qu'on en entend parler, même ici, avec des termes assez violents. Parce que c'est bon, je ne vais pas dire idéologie, mais c'est revendiqué avec virulence, parce que c'est vrai que les gens qui y croient, ils mettent vraiment beaucoup, beaucoup d'énergie. Lou. Alors ça, c'est aussi une question de communication, hein, parce que j'ai discuté avec des véganes ou des féministes ou d'autres personnes qui gravitent dans certains milieux, qui militent en fait pour leur cause. Et il y a différents types de communication. La communication, ben, comme on la connaît, celle qui fait le plus de bruit, et la communication non violente qui, elle, passe beaucoup inaperçu, moins... presque. Voilà, beaucoup plus inaperçu, parce que c'est beaucoup plus doux. Après, il y a différents... Voilà, les personnes, elles veulent faire rentrer leur message d'une manière ou d'une autre. Voilà, ils choisissent peut-être la manière percutante. Enfin, c'est tout un chacun. Mais il y a, il faut dire, des véganes, des féministes, d'autres personnes qui emploient la communication non-violente. Ça ouvre des portes. Même très personnellement, en tant que végétarienne, je passe par là et ça ouvre des portes alors que j'impose rien à personne. Et c'est souvent l'exemple en fait qui permet, c'est le témoignage de ce qu'on vit soi-même, de ses propres choix qui font qu'on peut apporter des arguments par rapport à son propre vécu, par rapport à ce que ça nous apporte. Je pense pas qu'il faut dire aux gens « faut que t'arrêtes de manger de la viande parce que ». Je pense qu'il faut faire prendre conscience de quelque chose. Alors là tout de suite, tu es sur un avis voilà. qui a l'air personnel. Alors, il faut rappeler qu'il y a 97% de la population française qui consomme régulièrement de la viande. Mmh. Est-ce que cette proportion est respectée autour de la table ? Qui autour de la table a une consommation du coup non-viande donc au moins végétarien. J'ai entendu Lou qui s'exprimait à cet avis et c'est assez marrant parce que du coup dans la configuration du studio je suis installé juste à côté d'elle. Ah. Donc on est le clan des végétariens. Ça tombe bien. Je suis moi-même végétarien. C'est vrai que ça donne l'impression de prêcher un converti, mais c'est pas du tout le dialogue qu'on a actuellement. Et je pense que justement c'est parce qu'on vit, parce qu'on a choisi. Je sais pas si ça t'a été imposé ou si ça a été un choix, mais moi je pense qu'il y a quelque chose à faire passer du domaine du personnel. Comme tu évoques cette thématique d'être quelque chose de personnel, oui, c'est un choix. Et à partir du moment où c'est un choix où personne ne me l'impose, c'est pas une question de droit, c'est pas une religion ou un parti politique, c'est un choix. Là où je trouve que le véganisme va peut-être un peu loin dans sa démarche, c'est quand il va, alors je dis le véganisme, mais rien ne prouve que ce soit eux, hein, encore une fois, on peut mettre ça au conditionnel tant que la justice n'a pas réglé le problème. Ah, au niveau de l'incendie, tu parles. Au niveau, voilà. Laissons la justice faire son travail, comme on dit bien. Non, mais certes sur ça, on n'a pas vraiment la certitude que ce soit eux. Mais les dernières actions de violence sur les boucheries, hein, principalement. Ils ont fait pas mal d'actions à balancer carrément des seaux de sang ou de faux sang, je ne sais pas, sur les vitrines, à casser des vitrines avec des cailloux, des choses comme ça. Ça, c'est clairement des actions de la communauté végane. Bien sûr. Revendiquées, parce que les gaillards sont devant la boucherie avec leur beau t-shirt bouché, je sais plus comment ils appellent ça, enfin... Ouais, oui, je comprends. Boucherie, abolition, génocide industriel, ça, enfin du voilà. Terrorisme, hein, c'est moins, du terrorisme. C'est du terrorisme, pour moi aussi, hein, je sais pas ce que mais vous tu vois, en pensez. Pour en revenir à ce qu'on a entendu, donc la dame, c'est Solveig, hein, Solveig, je crois qu'elle s'appelle. Mais je pense que là, dans son cas précis, elle est sûrement une mauvaise ambassadrice parce qu'elle cherche à donner en fait un vocable qui puisse être répété par des gens qui voudraient rentrer dans la cause. Et donc là, on voit vraiment l'exercice politique d'essayer de diffuser un message. C'est ce que je disais, tout à fait. Bah, c'est là qu'il y a... Donc elle n'est peut-être pas représentative, justement. C'est là qu'il y a peut-être deux façons de voir la cause. Il y a peut-être... Alors, par exemple, toi, Gaëlle, et toi, Lou, vous qui ne consommez pas, par choix. On est ciblé là. Voilà, non, mais vous êtes ciblé. Non, mais par choix. Vous, vous sentez, oui ou non, la nécessité d'essayer de convaincre et du coup d'essayer d'évangéliser, enfin vous voyez ce que je veux dire, d'essayer de dire aux autres, faites comme moi, j'ai fait par choix, je te recommande de ne plus manger de viande parce que L214, parce que, etc., etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Honneur aux dames. Hein. Merci. Bah, figure-toi que j'ai jamais regardé les vidéos des actions L214, mais non, j'imposerai mon choix à personne parce qu'en fait, je l'ai fait toute seule. J'ai longtemps cherché des motivations pour franchir le pas parce que c'est vraiment quelque chose que je voulais. J'ai même intégré des pages de communication de végétarien à vegan et je me suis même fait laminer parce que j'étais j'étais même pas végétarienne encore, j'étais flexitarienne. Et alors, ça m'a complètement démotivée. C'est quoi, faudrait peut-être définir les concepts. Tout à fait. Ah oui, alors, un flexitarien ou une flexitarienne, c'est une personne qui mange un petit peu de tout, un petit peu de temps en temps, mais pas souvent de la viande ou du poisson, des choses comme ça. C'est le chemin de la rédemption. Excusez-moi. Non mais voilà, parce que toi tu te sens pas investi. Chemin du péché même. Oh non. Non, Julien, c'était pour la plaisanterie qui se referme là. Bien compris. Non, aussi. Lou, toi tu te sens pas investi d'un devoir d'essayer de convaincre du tout. Non, parce que je vis avec quelqu'un et ce quelqu'un est tout à fait omnivore, hein, il n'y a aucun problème. Lui, il fait sa vie, moi, je fais la mienne, tant qu'on est chacun OK avec notre conscience. Après, si j'ai des personnes qui veulent savoir comment je mange, des idées de recettes ou connaître mes motivations, il n'y a pas de problème, j'échange. Mais je ne viens pas imposer mon point de vue, parce qu'aussi, j'ai mangé de la viande pendant plus de 20 ans, enfin, on va dire une vingtaine d'années, je ne vois pas pourquoi je ferais des leçons aux autres. Alors, il n'y a aucun manque. Non, ça a été difficile, mais finalement, c'est juste une question de raisonnement et de volonté en ce qui me concerne. Oui, c'est une question de choix, déjà, tout voilà, d'abord. Aussi. C'est d'abord un choix. À partir du moment où on fait un choix, vous prenez l'exemple du fumeur. À partir du moment où il choisit de s'arrêter de fumer, qu'il l'ancre dans son crâne, je choisis d'arrêter de fumer, c'est beaucoup plus facile d'arrêter et surtout clair. De le garder. Maintenant, il y a la drogue, la nicotine, qui va rester coincée et qu'il va falloir éliminer. Ça, c'est un autre débat. Dans la viande, j'avoue ne pas avoir particulièrement décelé de drogue cachée à l'intérieur. Et c'est le pas plaisir. L'objet. Peut-être tout simplement l'endorphine que tu reçois parce que non c'est pas la même habitué. C'est pas vraiment la même molécule, c'est ça c'est plus du domaine de l'habitude et oui voilà justement la répétition qui fait qu'on apprécie quelque chose de connu et surtout c'est quand on ne mange pas de quelque chose qu'on a pris l'habitude de manger, ça devient très difficile. Le début est très difficile parce qu'au bout d'un moment on se dit ça me manque, il y a la sensation de manque. Cette première sensation doit nous faire dire c'est quand même bizarre que ça puisse me manquer alors que c'est pas existentiel. La preuve c'est qu'on arrive à s'en passer. Mais ta question la première c'était est-ce que c'est équilibré? Et je pense on n'en a pas encore parlé de l'équilibre alimentaire. Non. C'est vrai qu'on devrait en parler. Je pense que Julien, tu t'es peut-être renseigné sur l'aspect. Monsieur Science. Ce que je veux dire, c'est que j'ai peut-être mal compris la question qui était adressée à Lou. J'ai cru comprendre que tu demandais est-ce que c'est équilibré en termes de nourriture. Est-ce qu'on arrive à s'y retrouver? Non, on n'en a pas encore parlé, mais on peut en parler maintenant. Okay. On va peut-être se faire un tout petit break parce que c'est vrai qu'on va se forcer à s'arrêter toutes les 15-20 minutes pour prendre une petite respiration et donc on se retrouve dans quelques instants. En annonçant quoi? Qu'est-ce que tu nous dis? Oula, qui a bougé son micro? C'est le tremblement de terre, c'est rien. Là. Il y a un séisme. Alors, magnitude 3. On écoute un petit morceau, je vous dirai ce que c'est juste après. Je vous laisse déguster ce petit mets de choix tout de suite. Voilà. Looking for a moonshine still. Strangers ain't come down from Rocky Top. Reckon they never will. Corn won't grow at all on Rocky Top. Dirt's too rocky by far. That's why all the folks on Rocky Top get their corn from a jar. Rocky Top, you'll always be. Rocky Rocky Top, Tennessee. Le débat. Nous revoici. Ah, je vous ai remis, ça y est, vous êtes là. Ah, c'est violent, hein. C'était tranché comme, comme question. Ah, tu te prends un mur d'un seul coup. C'était ça ou la table qui s'éteint, tu vois. Oui, il a fallu choisir, ok. Donc, on a écouté juste à l'instant nos amis les Osborne Brothers, hein, sous les conseils de Monsieur PJ, hein, qui me dit, allez, je suis... Un peu de bluegrass, ça fait pas de mal. Un peu de bluegrass, voilà. Ah, j'avais envie de sortir le banjo. Hein. Mais ça allait dans le thème de la viande, on s'est dit, voilà. De la viande ? Mais il n'est pas question de viande aujourd'hui, si, c'est ça... tout le contraire. Vous n'avez pas compris la question, mon ami. On va en parler, on va en parler. On parlait juste avant de se quitter donc de l'aspect nutritionnel de la viande. Est-ce qu'on en a vraiment besoin, tout à chacun ? Est-ce que c'est quelque chose dont on ne peut se passer dans notre panel alimentaire ? PJ, toi, tu as des infos là-dessus, non ? Bah, moi, personnellement, j'ai des opinions aussi, un peu comme tout le monde, c'est un peu le but du jeu aussi. Nous, avec Laetitia, on est plutôt locavoriste, donc on part du principe que le meilleur alors, aliment... La définition de locavoriste pour nos auditeurs, s'il vous plaît. Alors, et bah, écoute, essayez de consommer au maximum quelque chose produit à moins de 20 km, grosso modo, de la maison, donc on est vraiment dans la grande proximité. Moi, je parlais de 100 km... Ce qui me semble déjà énorme déjà, et... moins de 100 km est vegan. En mangeant de la nourriture à moins de 100 km, déjà je mets au défi. Ah oui, non, mais c'est impossible. Alors, moins de 20 km, ça va être encore un petit peu plus compliqué. En restant alors, dans une nourriture. T'arrives à tenir les 20 km le locavorite, ouais, on y arrive plutôt pas mal, puisque en fait, bah, y a des choses de base. Exemple, quand tu prends ta bouteille de lait aujourd'hui, moi ça me fait faire des bons, mais le lait qui est fabriqué au Luxembourg, qui a été récolté dans les Ardennes pour être vendu dans les Vosges. Oui, alors là, c'est un truc, ça me... Bon, après, nos amis agriculteurs ne sont pas tous très partisans de faire de la vente à la ferme. Il faut les pousser aux fesses. Il n'y a pas d'autres mots, parce que la plupart du temps, aujourd'hui, bah, ils ne veulent pas trop s'embêter avec ça, c'est des petits volumes. Donc nous, on a mis un temps fou avant de trouver un agriculteur qui accepte de nous vendre 5 à 6 litres par semaine, directement, à la ferme. Mais par contre, pour en faire le beurre ou la crème, t'oublies, parce que vu que les vaches sont sélectionnées, c'est la prime. Et la prime Holstein, aujourd'hui, ne fait presque pas de graisse dans le lait qui est fourni. Donc on ne peut pas le transformer, à notre grand regret. Parce que c'est quelque chose vers lequel on aurait voulu tendre. Donc voilà, on est embêté par rapport à ça, mais on a vraiment le projet de réussir à trouver un agriculteur qui fasse un lait qui a encore un taux de graisse normal. Et donc ce taux de graisse normal permettrait la transformation en beurre et en crème. Mais ce qui est étonnant, voilà. Excuse-moi de t'interrompre, PJ, ce qui est étonnant avec le rythme qu'on a aujourd'hui, c'est que ce rythme de consommation qu'on a, ça on n'en a pas parlé, on va parler, on est en train de parler des différents régimes alimentaires, mais tous ces régimes alimentaires ne datent pas d'hier. Et particulièrement quand on regarde l'après-guerre et ce qu'on a appelé les Trente Glorieuses, qu'on voit le développement de la consommation de viande. Moi, je sais que vous demandez à vos grands-parents, enfin pour ceux qui sont de ma génération, ce qu'on appelle la génération 80, demandez à vos grands-parents ce qu'ils mangeaient quand ils étaient jeunes. Vous verrez, il n'y avait pas autant de viande. J'entendais souvent, on avait un repas par jour avec de la viande, par semaine. Et on avait des viandes au pluriel. C'est-à-dire qu'on avait les viandes qui sont toutes oubliées aujourd'hui. Les gibiers, les lapins, les pigeons, les cailles, les faisans, qui sont des viandes qui maintenant ne sont plus que dans l'exception. J'ai pas on a Julien qui va parler. Que toi, Gaël, si je parle avec mes parents, Ou si, bon, mais j'ai plus de grands-parents vivants, mais j'ai pas du tout l'impression qu'ils mangeaient. Ils mangeaient moins de viande quand, quand les revenus étaient plus faibles. Mais ça, c'était vrai dans un peu dans les villes, plus ou moins. Enfin, dans les villes, pour les personnes qui n'avaient pas de, d'élevage. Mes parents, bah, y avait des quelques vaches, deux, trois, hein, pas plus. Hein, c'était pas un élevage. Hein, mais par, mes grands-parents, ils étaient ouvriers. Enfin, surtout, on n'en mangeait pas tous les jours. La, la vraie différence, c'est ça, c'est la quantité. Déjà, d'une, on n'en mangeait pas tous les jours. Ouais. Et de deux, on n'en mangeait pas autant. Quand on voit aujourd'hui qu'on a des buffets, entre guillemets, illimités, c'est un peu à celui qui mangera le plus. Après, on va parler de régime, mais il y a aussi un choix à faire dans ce qu'on fait. Je comptais en parler un peu plus tard. Une question d'impact. Je te l'avoue. Mais on va y venir. Non, mais on peut pas tout parce prendre. Parce que l'idée, c'était ça. C'était de vous faire aller sur le terrain de l'industrialisation. À mon avis, l'origine de ces choix hein, qui sont assez radicaux en termes d'alimentation, ils trouvent pour partie origine dans l'industrialisation, dans la consommation de masse, dans l'abattage de masse. On va pas utiliser les termes de notre ami Solveig de tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il faut constater qu'il y a une industrialisation de la mort. C'est assez flippant. Ouais, alors, c'est... rapidement, juste pour pallier au terme de notre ami Solveig, un autre terme a été employé qui est, je pense, très juste, c'est le terme de zoocide. Je pense que celui-là, on peut l'employer sans aucun problème. C'est plus modulé, ça fait moins référence aux heures sombres du siècle dernier. Je vais répondre maintenant. On parlait de, c'était quoi que tu disais, Lou, ceux qui estiment que tous les animaux sont au même... Enfin, on est au même plan que les animaux, tous les animaux sont au même les plan. Antispécistes. Oui, j'ai un peu de mal avec ce concept, parce que si on considère que tous les animaux sont au même plan, y compris l'homme, alors admettons, ça veut dire que l'homme n'a pas le droit de manger un animal... Parce qu'il est au même plan. Alors, ok, d'accord, bien sûr, je veux bien. Donc du coup, le chat, le chien, il n'a pas le droit de manger. Enfin, là, il y a un problème. Et je pense que rapidement, c'est une aberration scientifique de dire ça. Il y a un truc moi, qui est établi, d'accord avec toi, hein. C'est le principe de la chaîne alimentaire. Si on écoute Darwin, on va avoir un souci avec ça. Voilà, clairement. Les animaux se mangent entre eux. Si nous, on est des animaux, pourquoi on n'a pas le droit d'en manger d'autres? Et puis la chaîne alimentaire existe, ne serait-ce que le phytoplancton entre eux se consomme, qui sont consommés par les mollusques, qui sont consommés par les poissons, etc. Quoi. Ouais, la baleine qui mange des... Voilà. désolé. C'est un peu fouillis ce que je raconte, mais je pense que c'est clair quand même. On va se retrouver. Du coup, je sais. Alors, en tout cas, pour ce que tu disais par rapport donc à l'antispécisme, donc il n'y a pas de ce que tu es en train de dire, et quelque part, je le rejoins aussi. J'ai du mal à considérer que l'animal soit à l'égal de l'homme. Personnellement, en tant que végétarien, moi, je ne considère pas cela. Donc déjà, entre vous deux, vous n'avez pas la même conception Parce qu'on est libre, hein, déjà. Ouais. C'est déjà la première chose. Libre d'opinion, c'est clair. Voilà, mais il faut réfléchir à l'idéologie. Donc il y a plusieurs courants de pensée dans l'action de végétarisme, etc. Oui, il y a une question que je me suis souvent posée quand j'ai fait ce choix d'être végétarien. C'est premièrement, est-ce que la viande est une nécessité? Parce que j'avais pris conscience de la mort de l'animal. Et quelque part, ça me gênait moi de voir cette souffrance et cette mort. Quand on est chez soi, qu'on a son petit poulet dans son frigo, c'est pas la même chose. Et je sais qu'il y en a qui vont me dire « Ouais, mais on s'en fout », mais je le dis quand même. Et c'est pas la même chose que d'être devant sa poule, de l'égorger, de la voir saigner, hurler à la mort, s'agiter dans tous les sens, essayer de faire tout ce qu'elle peut, cette petite poule que vous preniez avant dans les bras et qui venait vous becquer dans la main. Alors, c'est pas la même chose. D'après PJ, c'est beaucoup plus rapide que ça. Oh, ça peut être rapide si tu te sens bien, hein, faut être propre. Non, mais tu comprends ce que je veux dire, c'est que selon les habitudes, moi j'ai pas été habitué à ça, et c'est vrai que j'y ai été confronté et je me suis dit, mais quelque part, sans être de l'antispécisme, est-ce que j'aimerais qu'on me fasse ça? Après, si c'est fait de manière propre et que bon, nous voilà, comme on fait du leucavorisme, par définition on essaye de produire exactement nos ressources, donc avoir les œufs à la maison, par définition on a des poules qui arrivent en fin de consommation entre guillemets, elles ne pondent plus, donc malheureusement aujourd'hui, vu les sélections naturelles qui ont été faites, pas naturelles, vu les sélections qui ont été faites sur les poules, il y a des races de poules qui malheureusement ne pondent plus pendant la durée de vie normale. Une poule vit 8 ans, bah, tu peux être certain qu'au bout de 2-3 ans elles sont entre guillemets fondues, elles n'ont plus la capacité de pondre. Est-ce que tu vas garder une poule et la nourrir sans qu'elle t'apprenne quelque chose? S'il y a eu un lien de relation qui n'était pas un animal de compagnie mais qui était un animal de production, tu peux te dire, bon, dans ce cas-là, on peut la tuer proprement et la consommer. Alors, on est bien d'accord, mais là, on sort quand même vraiment du registre dont on parlait préalablement. Moi, je parle du... Je vais reprendre le terme. Non mais néanmoins, attends. Oui, le vrai risque pour PJ, c'est de devoir entretenir une sorte d'EHPAD pour vieilles poules. Ah bah clairement, oui. Mais là, ça résume bien. Ça résume très bien. Mais si j'écoute ma femme ici présente, ça sera le cas, hein, parce que par définition, lorsque je m'en occupe des poules, elle ferme les yeux et elle est. Parce que toi, Laetitia, tu les tuerais pas? Ah non, jamais. Ah non, mais moi je l'amène en version bouchère, hein, il faut le savoir. La poule est préparée, déplumée, prête, c'est comme s'il l'avait achetée au boucher, elle voit pas la différence. Oui, voilà. Donc quelque part, Laetitia, tu comprends ce que je veux dire par le côté de l'attachement. Mais pour aller dans ton sens, et ça va reprendre ce que vous disiez tout à l'heure, il y a une chaîne alimentaire. La poule, quand elle produit plus, excuse-moi, il y a plein de moyens de lui donner sa liberté. Et que le renard en profite, voilà. C'est quand même beaucoup mieux que la fouine en profite. Je suis désolé, c'est de l'humour noir, c'est de l'humour très noir. Mais, ah là, c'est mais, très noir pour elle, oui, c'est clair. C'est très noir pour elle, mais la fouine qui va tuer la poule, crois-moi, ça va peut-être pas être aussi bref. Hein. Après l'avoir nourrie toute sa vie, c'est vrai qu'il vaut mieux la donner en offrande à Gaïa pour que le renard s'en empare. Ouais. Non, mais il y a toujours une chaîne. Donc si tu avais un choix à faire et que tu veux pas garder un EHPAD, on l'a dit. Enfin, moi, de ce point de vue-là, je rejoins peut-être pas forcément ma voisine. Mais la diversité d'opinion est aussi la bienvenue à cette table. Je pense que effectivement, on n'a pas à considérer l'animal dans tous les domaines comme un être humain. Il y a des choses, et ça a été prouvé par des scientifiques sur la conscience, etc. Attention, qui sont humaines. Hein, qui sont proprement humaines. Attention, ça ne veut pas dire que pour autant l'animal n'a pas de droits. Il a des droits, et nous avons des devoirs à son égard. Mais voilà, de là à l'amener au même niveau que l'être humain, si je dois choisir entre sauver ma femme et mes enfants et sauver les poules du jardin, excusez-moi, hein, mon choix est fait. Est-ce que c'est parce que je fais partie de l'espèce des humains? Peut-être. Mais voilà, si vous demandez à une famille de lions, son choix c'est quoi? C'est de nourrir sa famille, ses petits. Donc voilà, c'est pas le fait que je veux dire. À mon sens, moi humain, je vais naturellement considérer l'humain comme étant supérieur aux autres. Mais est-ce que ça veut dire pour autant qu'il faut massacrer l'autre? Tu es un végétarien spéciste, si j'ai bien suivi. Hein, non, c'est ça. Non, spéciste. Non, lui, il est spéciste. Lui, il est spéciste. Pour moi, il y a une espèce qui n'a rien à voir avec les autres. C'est chaîne alimentaire, voilà. Ouais. Voilà. De toute façon, il y a une chaîne alimentaire et les scientifiques ont quand même tendance à dire qu'on est un petit peu à la fin de la chaîne alimentaire. On mange les autres animaux, plantes. On mange les deux, hein. Mais on n'est pas mangé. Mais on pourra placer le lion. On s'est débarrassé de nos prédateurs. C'était plutôt ça. Tout au long de l'évolution. Oui, non, mais voilà. Ou certains s'en sont débarrassés entre eux. Tu avais une autre question? Non, mais j'aurais aimé qu'on revienne sur mon idée d'aspect nutritionnel rapidement. Oui. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter un petit extrait justement avant de parler de l'aspect nutritionnel pour qu'on ait un petit support à nos échanges. Donc, c'est un nutritionniste assez connu qui prend la parole. Il me semble qu'il était à l'antenne de LCI à nouveau. C'est Laurent Chevalier qu'on écoute tout de suite. Manger plus de végétaux, c'est une très bonne idée. Manger des graines germées dans des bonnes conditions, c'est bien. Et manger bio, c'est parfait. Alors, il y a vraiment deux choses différentes. Le végétarisme, eh bien, vous mangez des végétaux, mais vous mangez aussi des produits animaliers, comme par exemple des œufs, du fromage, différents produits laitiers. C'est une bonne idée. On s'est aperçu sur le plan aussi scientifique que c'était une alimentation qui pouvait protéger contre les maladies cardiovasculaires. En ce qui concerne le véganisme, on n'a aucun produit d'origine animale. Rien du tout. Donc on n'a que des végétaux. Et là, on a deux types de soucis. Le premier souci, c'est avec une vitamine qui s'appelle la vitamine B12, qui est nécessaire pour la fabrication des globules rouges, tout à fait indispensable. On la trouve dans les produits animaliers, un tout petit peu dans les produits végétaux, mais on n'a aucune étude qui nous montre que ça permet de couvrir les besoins. On en trouve un peu dans la spiruline, on en trouve un petit peu dans les graines germées, dans certaines algues, mais c'est quelque chose pour lequel on a beaucoup d'interrogations et souvent c'est une forme qui est peu active. Et puis ensuite, on a aussi des déficits d'apport potentiels en protéines. Pour couvrir les besoins, il faudrait prendre l'équivalent de 3 bols d'un mélange de légumineuses et de céréales, ce qui fait beaucoup et ce qui n'est pas forcément bien toléré sur le plan digestif. Donc, manger des végétaux, plus de végétaux, c'est certainement une très bonne idée. Être végane dans un style de vie, ça pose quand même quelques interrogations. Eh bien, ça débat ici, en tout cas, en entendant cet individu. Alors, j'ai entendu des choses, et excuse-moi, je réagis, t'as même pas le temps de prendre le micro. Tu voulais peut-être dire quelque chose. Non, j'allais te donner la parole. Vas-y. La question de la B12, j'ai envie de rajouter 3 points de suspension et de rajouter la question de la B12, point d'exclamation. Non, mais dans le cas d'une alimentation 100% végétale, hein, ce qui n'est pas le cas des végétariens, hein, vous prenez des œufs déjà. Hein, alors, attention, même un végétarien doit faire attention à sa B12. S'il n'a pas été végétarien toute sa vie. Ça, c'est quelque chose qui est très, très clair. Moi, je me suis retrouvé en carence de B12. J'ai fait ce qu'on appelle une cure de B12, c'est-à-dire que mon docteur m'avait prescrit des petites bouteilles, des petites fioles, là, ampoules en verre de B12 à prendre en perlingale ou je ne sais plus quoi. Si j'étais vraiment en dessous d'un certain seuil, il m'avait dit, hein, si vous étiez trop bas en termes de B12, il aurait fallu l'avoir en intraveineuse. C'est-à-dire que c'est quand même important à surveiller. Et ce n'est pas quand vous faites des analyses de sang, quand vous allez chez votre analyste et lui dire « je voudrais faire des analyses de sang », il va faire tout le reste sauf ça. Donc si vous ne lui demandez pas ça, il ne le fera pas, il faut le savoir. Parce que comme on est tous, je mets des grosses guillemets à cette phrase-là, c'est une phrase qu'on nous cite assez fréquemment, on est tous omnivores, donc on n'en a pas besoin. Voilà. Sauf que cette B12, eh bien, elle manque petit à petit dans le développement de l'individu, parce que quand il naît, elle ne manque pas. Donc qu'est-ce qui fait qu'elle va manquer par la suite? Je pose aussi une question. Là, toi, je réagis à ce que tu disais. Tu dis, si on n'a pas été végétarien toute sa vie, on peut avoir un manque de B12. Pourquoi? Parce que si on est végétarien dès la naissance... Continue, va jusqu'au bout de ta question. On n'aurait pas de souci avec la B12. Eh bien, ce sont des choses qui ont été... Oui, mais ce sont des choses qui ont été vérifiées chez beaucoup de végétariens, nés végétariens. C'est-à-dire qu'en fait... Dont les parents alimentaient exclusivement le bébé de végétaux, ou comment déjà, ça fonctionne? Déjà, c'est-à-dire que les parents étaient végétariens avant conception ou pendant la conception, j'ai pas tous les détails. En tout cas, on se rend compte que chez les enfants nés végétariens, le problème de baisse de B12 est beaucoup moins important et conséquent que chez un humain qui n'a pas été végétarien toute sa vie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la courbe de baisse, mais du coup, est-ce que le niveau normal de B12 dans son sang est à un seuil normal? Oui. C'est ça la question. La réponse est oui. Je ne suis pas né végétarien, je le suis devenu, et j'ai connu une carence en B12. 23, 24, 25, 26. Ouais, ça doit faire une dizaine d'années. Donc, j'ai été végétarien à l'âge de 12 ans, j'en ai 38 aujourd'hui. Au bout de 15 ans, j'ai connu une carence en B12. Et qui dit carence en B12 dit perte d'énergie, perte de dynamisme. Pas des soucis avec les os après, dans le futur, J'en suis pas arrivé là, puisque je constatais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et, une asthénie, quoi. On m'avait demandé de le surveiller. Alors, oui. De mon point de vue, je constate surtout que Julien D essaye de vaincre un risque de carence. Qu'est-ce que tu es en train de manger? Alors, il faut prendre sa défense. Il faut prendre sa défense. On a dit qu'on allait parler alimentaire et qu'on allait mettre sur la table... Pendant la pause musicale. Nos avis. Voilà. Non, avis sont sur la table. Tous les avis sont sur la table. On a mis plusieurs choses sur la table, justement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, ne donne pas de marque. Pas de marque à l'antenne. C'est embêtant parce que j'enlève tout ce qui peut ressembler à une... C'est des fines tranches de saucisson sec. N'ayons pas peur des mots. D'un bâton quelconque. Qui a servi à diriger les moutons. On va le dire comme ça pour ne pas citer la marque. Donc, du saucisson sec. Mais sinon, à côté, on a mis. En fait, la même chose. Et c'est là qu'on va se rendre compte. On est vraiment dans la thématique. Heureusement, il y a un autre bord de table. Et là, je suis très content de ne pas être tout seul. Je te remercie d'être là. On a de l'autre côté, je plaisante, bien entendu. Des petits légumes. Alors, excuse-moi, je suis obligé de corriger. Des petits fruits également, puisqu'il y a des tomates, il y a des olives. Est-ce que c'est pas aussi des légumes? Jouons sur les mots. Non, il y a donc des morceaux de chou-fleur, des petites olives vertes, des tomates cerises. Tu remarqueras que les gens à la gauche du studio n'ont pas du tout été intéressés par ce plat. C'est intéressant. J'ai commencé par ça, moi. Je t'avoue que pour le moment, on n'a pas encore pioché parce qu'on a encore le ventre plein du repas. D'accord. Mais je me force, mais c'est une drogue, donc je me force pas vraiment, en fait. Et ça revient sur un autre point, et je souhaite qu'on puisse en parler dans la deuxième partie de l'émission. On a le temps, on a 2 heures d'émission. Ce sera nos habitudes alimentaires. Mais pour revenir sur la vitamine B12 dont on parlait tout à l'heure, il y a des personnes qui ont fait le test de voir, d'essayer de comprendre justement, parce qu'ils se sont rendus compte que chez les végétariens de naissance, il n'y avait pas cette perte de B12, je ne vais pas dire constante, mais qui se vit tout au long de la vie. Et il y a un fait étonnant, alors je m'excuse vraiment, je ne peux pas citer mes sources parce que je ne les ai plus en tête, et je ne peux pas citer au mot près mes sources, d'accord ? Mais c'est une personne qui a travaillé sur l'appareil digestif, depuis la bouche jusqu'à la sortie au rectum, et qui a étudié le parcours de la vitamine B12. Le parcours de la vitamine B12 dans notre corps, c'est-à-dire cette B12 qu'on ajoute, et du coup, qu'est-ce qu'elle provoque sur le corps ? Et quand on n'ajoute pas de B12, comment le corps réagit quand il n'a pas été habitué à ajouter de la B12 ? Et là, il se passe des choses qu'on ne maîtrisait pas dans le corps jusqu'à présent. Alors, je pense que tu es en train de parler de l'oxydoréduction de la vitamine B12 qui serait en fait en partie liée. Elle serait moins bien absorbée dans le cas où, en mangeant de la viande, on aurait des enzymes fixées au niveau de notre corps, au niveau de notre tube digestif, qui détruiraient plus rapidement, qui mal absorberaient, entre guillemets, la vitamine B12. Et du coup, comme on la mal absorbe, il faut des plus grandes quantités pour arriver à un niveau normal. Et du coup, si on a été carné avant et qu'on passe en végétarisme pas après, du coup, obligatoirement, on détruit le peu qu'on mange. Bon, c'est bizarre que Julien Day ne prenne pas la parole là-dessus. On l'a perdu ce soir. Non, mais je cherchais un mauvais jeu de mots avec B12. Ah bah voilà. Du coup, il en est réduit ce soir. Il est en train de chercher si son porte-avions a été touché, en fait. Non, mais parce que c'est vrai que là, on est très scientifique, on est très dans la chimie alimentaire. Alors que l'alimentation. C'est intéressant. Ouais, c'est intéressant, mais pour moi, l'alimentation, c'est surtout du plaisir. Alors, stop. Là, il va t'arrêter, c'est pas possible là. Je suis désolé, je m'élève. Attends, il lui faut un contradicteur, il est en train d'essayer de nous convertir tous. Alors attention, on peut considérer que ça s'appelle prêcher la bonne parole. Laetitia n'a pas envie d'être convertie. Moi je fais juste comprendre mon point de vue. Après, tout le monde autour de la table est libre, un, de l'accepter, deux, de le rejeter, et surtout, trois, d'en avoir un autre. Non mais par rapport à ce que tu as dit, moi ce qui est intéressant c'est que toi t'es entre deux. Exactement. T'es pas... Je suis pas impur, je suis pas dedans, quoi. Non, mais tu es spéciste. Non, mais ça a son importance. Parce que comme tu as dit tout à l'heure, il y a un point important, c'est tu as vanté l'espèce de rite de quand tu tues une poule avec un cérémonial. Enfin, pas un cérémonial non plus, on fait pas non plus. Bah, hein. Techniquement, on l'attrape, on l'égorge et puis on la vide. Oui, mais il y a l'acte un peu de... Moi, je l'assomme d'abord. Non, mais... Ah, ça dépend. Oh. Moi, c'est parce que peut-être j'ai pas connu cette étape-là. Voilà, non, mais il y a un acte. Voilà, il y a une relation entre l'homme et sa proie, ce qu'on a perdu avec l'industrialisation. Donc, tu m'as l'air un petit peu ouvert à la viande si c'est PJ qui tue sa poule. Mais demander à un chasseur comment il se comporte avec sa proie. Est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est plutôt ça, c'est ma proie? Je la vise et j'ai un respect aussi pour ma proie, c'est pas que la cible à abattre. Attention, j'ai rien pour. Tu vises et tu tires. Non, mais c'est la différence entre le viandard et celui qui chasse. C'est-à-dire que l'esprit de la chasse, c'est aussi respecter sa proie, c'est clair. Le viandard qui veut avoir un tableau de chasse, c'est autre chose. Le viandard, il va pas chercher à se souvenir de ce qu'il a fait. Il va chercher à se remplir. Et je pense qu'il y a des habitudes de consommation. Je voulais juste citer une petite phrase. Il me semble que c'est Socrate qui l'a dite. Il faut que ton alimentation soit ton premier médicament. Le moment où tu as besoin de médicaments pour soigner ton alimentation, c'est peut-être qu'il y a un problème. Donc, moi, je pense et je trouve que cette pensée ancienne et intelligente, à mon sens, elle fait sens encore et encore plus aujourd'hui. Alors, ces temps-ci, elle revient, à mon avis, à la mode. C'est vrai que tout le monde... Là, on parle, c'est vrai, spécifiquement ce soir des végétariens, des véganes, mais c'est vrai que c'est d'actualité de faire attention à ce qu'on mange, avec les scandales alimentaires. Bon, on a eu la vache folle qui a eu son effet à l'époque, mais c'est vrai que tout ça lié explique dans quelle situation on est aujourd'hui. Ah, ça y est, le v'là. Vache folle, il revient. On a récupéré Julien Day. Vache folle, il faut savoir... S'il vous plaît, on l'écoute. Qu'est-ce qui s'est passé avec la vache folle, hein ? Sinon, on va le perdre. Pour des raisons bassement économiques, les producteurs de vaches, les éleveurs, sous des conseils avisés, très avisés d'industriels, ont bêtement, simplement rompu la chaîne alimentaire. La vache, elle, ne mange pas de viande. Et ils ont donné de la viande aux vaches. Ils ont donné des vaches aux vaches. Ouais, c'est très juste avec le prion. C'est ça qui a été la cause. Avec les farines animales, c'est les ça. Les farines animales, donc les vaches, elles ont une maladie, la fameuse maladie de la vache, mais qui est en petite quantité chez elles. Et le problème, c'est que comme on donnait les carcasses des vaches, les bouts de ce que nous on voulait pas, des os et toute une partie de nerfs, c'est là qu'il y avait cette maladie. On en a fait un petit package, un truc un peu bizarre, et hop, on leur a redonné. Donc en fait, on a donné aux vaches, on leur a de la vache à manger. De la vache, alors que c'est pas prévu pour. La vache, elle n'a pas un organisme qui est prévu pour ça. C'est passé ce qui devait se passer, il y a eu un problème. Voilà. Ça me plaît beaucoup ce terme que tu as employé. C'est le premier. Il y a un moment donné, il y a une chaîne alimentaire qui s'est créée un petit peu naturellement parce que c'est cette chaîne-là, c'est celle qui a permis aux espèces de survivre. Ceux qui n'étaient pas dedans, elles n'ont pas apparu, elles ont disparu. Enfin, elles n'ont pas eu le temps de. Voilà, principe de l'évolution des espèces de Darwin. Voilà. Et dans ce système-là, l'homme, il est plutôt en bout de chaîne. Et il mange un peu tout, parce que l'homme il est capable de vivre. C'est le seul animal, hein, on parle des spécismes, non spécismes, c'est le seul animal, ou peut-être un des très rares animaux qui peut prédater tous les autres. Enfin, on n'a pas beaucoup d'hommes qui mangent des lions, mais bon, c'est peut-être possible. Mais à mon avis, il y en a eu. On mange bien des chiens. On mange bien des chiens, voilà. Des chats. Mais c'est surtout le seul animal, a priori, qui peut vivre pratiquement partout sur la Terre. On en trouve pas en Antarctique, mais on n'en trouve pas dans les altitudes de plus de 5000 mètres d'altitude. Ça, c'est quand même pas beaucoup d'endroits. Et encore, on en trouve un petit peu, hein, dans l'Himalaya, au-dessus de 5000, je suis sûr qu'on trouvera quelques habitants. T'as encore hier des Andes. Voilà, je sais pas s'ils sont à 5000. Ah, le plus haut, le lac Titicaca, lui tout seul, va être à plus de 3500 mètres. Voilà. Donc, je crois qu'ils montent bien plus haut. On n'en trouve pas beaucoup, mais voilà, on peut en trouver malgré tout. Et c'est le seul, a priori, animal. Alors, on va peut-être en trouver d'autres, comme ça, qui s'adaptent plutôt bien. Le pigeon a une faculté d'adaptation assez impressionnant. Je connais pas bien le pigeon, mais c'est possible. Mais voilà, bon, dans l'eau, on vit pas naturellement. L'homme vit pas facilement dans l'eau, ouais, avec des moyens, des techniques, un bateau, mais voilà, enfin, on n'a pas des villages entiers de des populations entières. Et mais dans l'espace non plus, d'ailleurs. Non plus. Mais on n'a pas non plus d'autres animaux. Hein, dans l'espace, on se demande pourquoi, d'ailleurs. Mais on n'a pas d'autres animaux. C'est quand même étrange. On n'a pas d'animaux, on a très très peu d'autres animaux qui sont capables de s'adapter partout. Et ça, c'est une conséquence, c'est lié un petit peu à toute cette évolution. L'homme, il est le dernier des animaux à être apparu sur Terre. Tous les autres animaux sont apparus avant, je crois. Après, à part les espèces créées par l'homme, comme les chiens et les vaches. Enfin, un peu conçues. Pas exactement conçu. Adapté. Je suis moyennement d'accord avec toi. Je suis moyennement d'accord aussi. Régulièrement, il y a des espèces qui apparaissent. Ouais. C'est juste que, exemple, chez les insectes, on s'en rend compte de plus en plus. Il y en a quand même beaucoup qui disparaissent aussi. Et énormément qui disparaissent. Mmh. La diversité écologique, d'ailleurs, j'avais beaucoup de choses à dire par rapport à ça, pour aller remettre un peu les choses d'équerre par rapport à tout ce qui pouvait être notion de pollution et notion de surconsommation de ressources liées à la viande. Mais voilà, donc non, des espèces, il y en a qui apparaissent régulièrement. On en découvre espèces aujourd'hui d'insectes. Et on se rend compte que certaines espèces d'insectes mutent beaucoup plus vite que ce qu'on pourrait croire, et en 20 ans ils peuvent apparaître. L'apparition des espèces, c'est pas quelque chose par à-coup, c'est des mutations successives, lentes, des adaptations au milieu. Sur l'insecte, alors pas sur un insecte parce que c'est trop petit, mais sur l'idée de l'insecte. Le petit orteil, je m'en parlais tout à l'heure. On avait à la mode d'entendre à la télé... The Little Two, ça t'intrigue. Une petite dizaine d'années, il y avait une petite mode, là, on était à dire... Il y a de plus en plus d'hommes sur Terre, donc plus en plus de bouches à nourrir. Et puis du coup, comme on est plus nombreux, on a de moins en moins de place. Et du coup, il va falloir adapter notre régime alimentaire. Et à cette époque-là, la technique, le discours plutôt, c'était les insectes. Parce que c'était la solution. C'est rigolo parce qu'à cette époque-là, il y a une petite dizaine d'années, hein, c'était vraiment mode de dire ça. On l'entend encore. Moins parce que maintenant... Moi, j'ai l'impression qu'il y a un effet de mode qui est passé. Un effet de mode en plus. Mais c'est pas bon, c'est pas bon. Non, mais ça dépend. Si tu les achètes frits... Je vais pas juger du goût. Oui. J'ai pas eu l'occasion d'en goûter. Puis je dois avouer que moi non plus. Ça m'attire pas trop, mais bon, c'est peut-être très très bon. Voilà, on mange bien des escargots, c'est délicieux. Tu manges des asticots régulièrement, si tu manges des légumes ou des fruits sans t'en rendre compte, hein. C'est possible. On s'en rend pas compte, c'est pareil. C'est pas pareil. c'est toute la différence. C'est pas volontaire. Et puis c'est les manger crus, c'est pas pareil que les manger cuits non plus. Oui, voilà. Ça bouge encore sur la langue, c'est ça le problème. Et voilà, on avait ce discours qui nous disait, il va falloir s'adapter, faire des insectes pour pouvoir nourrir l'homme. Puis bizarrement, quand on entend des véganes un petit peu extrémistes ou des végétariens un petit peu extrémistes, je différencie ça avec ceux qui ne le sont pas. Ceux qui sont autour de la table, les autres. C'est des modérés, voilà. on a des modérés autour de la table. Mais je pense des extrémistes, c'est qu'on tendance à dire aux autres, il faut que vous le fassiez. Hein, c'est comme le discours de cette très charmante demoiselle. Solveig. Solveig. Qui veut que tout le monde fasse comme elle. Le choix, c'est son choix, tout le monde doit le suivre. Là, avec tous ces gens-là, on a le discours de le remplacement des protéines, ça va être autre chose que des insectes, ça serait carrément des plantes. On se retrouve dans quelques instants. Non, voilà, on fait un petit break. On fait un petit break parce que c'est vrai que là, il est déjà 9h10, chers amis. On arrive bientôt à la moitié de l'émission, donc je pense qu'on a besoin d'une petite respiration. C'est vrai qu'on n'a eu qu'une seule pause. D'habitude, on en a quand même un peu plus régulièrement. Un petit truc sympa qu'on va écouter de suite et on se retrouve juste après. C'est quoi dis-nous tout de suite. Je vous le dirai après. Oh, mais on est curieux. Ben non, mais parce que sinon, vous partez avec un a priori. Allez, à tout de suite. Nous sommes de retour. Et ça grignote et ça grignote. Miam miam. Plus personne ne peut parler, donc j'en profite, je prends le crachoir. Savoure un délicieux mini saucisson sec. Alors, c'est pas le titre de la chanson dont on attendait le nom de l'auteur et titre. On va attendre qu'il ait fini sa bouchée parce que ce serait très impoli pour ceux qui nous écoutent et qui sont là et en train de saliver. Non. Ah oui. Non, je l'ai sous la main. Alors, c'est Nameless. Nameless. Nameless. Ça commence bien. C'est vrai. Merci, donc, Julien. Pour nos amis anglophones, celui qui n'a pas de nom. Voilà. c'est Nameless Faceless de Courtney Barnett. Ok. Tu m'en diras tant. Alors, mes amis, nous sommes donc toujours sur l'antenne de Radio Limoso pour parler véganisme et culture alimentaire alternative. Monsieur D. La viande, enfin le saucisson sec à l'antenne, c'est pas génial parce que ça grince un petit peu et ça doit être pas terrible alors, pour les auditeurs. Alors, mais c'est tellement bon que... Pour être équilibré, dans ce cas-là, je vais prendre une olive verte, parce que comme c'est également un petit peu gras, voilà, ça va compenser. Et puis ça grincera pas sous la dent. j'ai remarqué ça, là, j'avais jamais fait attention. Merci de ce témoignage. Alors, vous... Je pense qu'on en sort grandi. C'est émotionnel. Alors, hors antenne, on était. Ça permet aussi de rebondir sur autre chose parce que. Ah bah, pour rebondir sur la graisse, il n'y a rien de mieux. Le problème, c'est que j'ai pas le détail parce que je vous ai entendu un peu de loin hors antenne. Vous parliez à nouveau de B12 et ouais. d'enzymes qui ont des caractéristiques un peu spéciales. Oui. Mais voilà, après. On n'a pas le temps de tout débattre. On a deux heures. C'est déjà énorme, 2 heures pour parler de ces sujets-là. Donc, c'est déjà merci à Radio Gémozo. Ou plutôt peu de choses. Oui, c'est énorme d'avoir autant de temps, mais peu pour en parler. Voilà. Mais par contre, comme on a peu de temps, comme le disait mon collaborateur en face, c'est très bien parce qu'on se fait un petit tête-à-tête entre nous. C'est très, très sympathique. Je trouve c'est un peu frustrant parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on aimerait dire, mais il y a tellement de sujets. C'est tellement vaste et je pense qu'on n'est pas obligé d'aller au fond de toutes les choses. La seule chose que je voulais dire pour la résumer très courte, c'est qu'en fait, quand on. L'être humain, il a un organe dans son corps qui produit de la B12 et si on lui en fournit, il n'a pas besoin l'organe se met au repos en fait et n'en produit pas. Alors c'est quel organe ? C'est quel organe ? Alors ça viendrait. Je mets tout ça au conditionnel parce que ça localisé. Serait localisé. Merci sur l'appendice et ça correspondrait à notre collaborateur en face. PJ, oui, confirme de par ses propres recherches qu'effectivement, si ça devait venir de quelque part, effectivement, ça pourrait venir de là. Voilà. D'accord. Donc ça, c'était simplement pour conclure autour de la B12. Et le discours que j'ai entendu, pour moi, du coup, de ce fait, en devient complètement biaisé. Parce que si on a un organe qui produit de la B12 et qu'on lui en apporte, ben forcément, il ne va pas en produire. Alors, tu es en train de me dire que... Enfin, voilà, on comprend que si on ne consommait pas dès le début de notre vie... de la viande, on aurait un organe qui serait là pour en fabriquer. Mais tu sais que malheureusement... Mais je trouve ça quand même suspect. Alors, j'avais noté que... Alors, la domestication des animaux, donc à des fins nutritives, donc avoir des vaches, avoir des moutons, etc., ça, on le date à plus de 11 000 ans. Mm-hmm. Hein, la culture, l'élevage, c'est 11 000 ans. Avant, on chassait. Exclusivement. Donc ça veut dire qu'on parle quasiment de... Enfin, j'ai pas les échelles de grandeur. Est-ce que quelqu'un autour de la table a les échelles de grandeur, l'apparition de l'homme Elles sont en ce moment rediscutées parce qu'on se rend compte à chaque fois qu'on fait des recherches et qu'on a pensé trouver la civilisation développée la plus ancienne. On était au grec, on est passé au sumérien. Là, on a des doutes à savoir si avant les sumériens, il n'y avait pas encore autre chose avant. Donc chaque fois qu'on cherche, on gratte. Donc voilà, donc on a des doutes sur ces dates précises. On a, de la même manière qu'on a des dates sur les débuts des civilisations, est-ce qu'il faut rechercher en Europe, en Asie ou en Afrique ? Enfin voilà, c'est encore des sujets un peu bizarres. Et quand bien même, est-ce que ce serait un argument en faveur de la consommation de viande ? Non. Parce que, par exemple, pour le bédou, j'avais une idée, enfin un truc vas-y. En tant que père de famille qui me revient en tête. Faut conclure cette idée. Bah voilà, comme ça, tranquille. Mais toi qui as des enfants, tu le sais aussi. C'est sur les laits infantiles. Tu te souviens des vitamines qui étaient citées ? B6, B8, B12. Mais tu sais pourquoi je peux pas te les citer parce que ma femme allaitait. La mienne aussi, mais après, voilà. Malheureusement, au bout d'un moment, on a dû y passer. Oui. Quand on n'a pas le choix, je comprends, mais du coup, après plus de 6 mois. Je me souviens très bien sur les boîtes, c'était indiqué. Oui, tout à fait, parce qu'on considère qu'il faut. Ou l'industrie considère qu'il faut nous les donner dès le début. Pourquoi ? Pour nous formater, etc. Ah, théorie du complot. C'est peut-être pas si vieux que ça, j'en viens peut-être à ça. Non, mais il y a des lobbies, n'oublions pas. Je pense pas qu'il y ait de formatage autour de ça. Non, c'est juste de la com, parce que ça fait bien de mettre toute une liste de vitamines. Alors, l'industriel, il veut vendre. Comme le bifidus ? Il veut rentrer, il faut qu'on mette. Il y a le service com qui dit mettez des trucs, là, c'est fait vendeur. Alors, on a les gens qui vont fabriquer le lait, en l'occurrence, mais ça peut être pour tout. Qu'est-ce qu'on va trouver ? Ah ouais, là, il y a la B12, on peut en trouver facile, c'est pas cher. C'est dangereux ? Ah non, a priori, aucune étude. Attends, la liste des vitamines, elle est établie de façon scientifique. C'est pas une improvisation de l'industrie alimentaire. Non, mais la présence de vitamines ou pas dans des... C'est des molécules que le corps ne peut pas se passer. Enfin, je vais pas vous faire la définition d'une vitamine. On préfère être sûr d'en être saturé en nous en mettant à toutes les sauces que plutôt prendre le risque d'avoir le procès parce qu'il y aura une carence. Je suis pas certain que ça vienne de là. C'est pas facile dans la société moderne, c'est ça. Très clairement. Et surtout, ça n'empêche pas de carencer en vitamines de bonne qualité. Parce que le problème, c'est qu'on sait pas d'où viennent ces vitamines, comment elles sont fabriquées. Voilà. Et elles perdent beaucoup de leur valeur. Il y a bien des ajouts volontaires de fluor dans le sel de... Alors, le fluor dans le dentifrice, c'est de plus en plus décrié. on aurait beaucoup trop de... Oui, mais c'est vegan. non, mais on est bien d'accord. Il y aurait beaucoup trop de quantité de fluor au quotidien dans notre alimentation, ne serait-ce que par exemple dans les poêles qu'on utilise pour faire cuire, où ils nous mettent du fluor à l'intérieur du téflon. Et on aurait une bien trop grande absorption, et aujourd'hui, ce n'est pas encore assez étudié, et c'est peut-être un des vecteurs des créations de ces types d'allergies qu'on peut avoir. Mais il y a... C'est absolument effarant. Souvenez-vous de ce que j'ai cité comme phrase et qui revient au goût du jour, que notre alimentation, en fait, tout ce qui rentre par la bouche soit notre premier médicament, c'est évident. Et quand on commence par cette base-là, forcément, on est obligé de faire des choix alimentaires. Et alors, je parle bien de choix alimentaires. On parle de choix alimentaires, mais moi je vous parle ça au regard de l'histoire, pas de l'histoire au sens de l'histoire des milliers d'années, mais au sens de l'évolution des us et coutumes des humains. Alors l'exemple que je me suis noté là dans un coin, c'est le placenta. Alors il y a eu une époque où on le consommait, c'était une tradition, on consommait le placenta, mais on ne le fait plus. Et alors, je crois qu'il y a plein d'exemples du tel. Est-ce que ça ne serait pas le prochain truc qu'on arrêterait, c'est la consommation de viande? Est-ce que ce n'est pas l'avenir de l'homme d'arrêter de consommer de la viande? Là, je dois dire que la dame qui a parlé en introduction à cette émission, donc Solveig, applaudirait des deux mains. Je vais revenir également sur le débat qu'a lancé à un moment donné Julien D, sur le fait que la planète doit pouvoir nourrir tout le monde. Et quand on voit la quantité de nourriture qu'on donne à des bêtes pour récupérer juste quelques kilos de viande, il y a des tonnes de nourriture qui sont, passe-moi l'expression, gaspillé. Et effectivement, si on était davantage végétarien, ou j'oblige personne à être végétarien, moins consommateur de viande, on arriverait à un équilibre. Les spécialistes se sont penchés sur la question et ont estimé que la Terre pouvait nourrir 12 milliards d'individus. Même pas 8 milliards, on manque de bouffe. Surtout que c'est des animaux qui ne sont là que pour l'alimentation. Ils ne sont pas là dès le début. On les a multipliés volontairement. Non, je ne suis pas du tout d'accord. Pourquoi ? Vas-y. Dire que... typiquement une vache, alors vache, c'est sûr que la quantité d'aliments qu'il faut apporter à une vache pour à la fin avoir un kilo de viande, ouais, il en faut beaucoup. Bon, c'est surtout de l'eau en fait dont il était question par rapport à ça. Alors l'eau, je vais pas parler de ce que je connais mal. Bien sûr. Mais pour ce qui est de l'alimentation, il faut qu'on arrête la viande, typiquement les vaches ou d'autres, parce que vaut mieux manger des plantes, ça sera plus rentable. Moi je suis désolé, mais j'ai pas envie de manger de l'herbe. Les vaches, elles mangent de l'herbe. Essentiellement du fourrage. Je pense pas que de toute façon on allait jusqu'à dire que tu allais manger du foin. Et puis, ce sont les céréales. Les céréales ont besoin de beaucoup d'espace, pour nourrir une bête avec des céréales. Il faut beaucoup de quantité pour lui apporter les éléments qu'elle trouverait naturellement dans de l'herbe. C'est-à-dire que les bêtes qu'on parque. Si on n'était pas en intensif. Voilà. Je parle bien d'intensif. Et c'est pour ça que j'ai bien dit. Tout à fait. Mais. J'ai oublié ce terme, excuse-moi, merci de rétablir la réalité, merci PJ de l'avoir cité, c'est qu'il est question là d'agriculture, enfin d'élevage, parce qu'on ne peut pas parler d'industrie agricole. La filière intensive de l'élevage. Voilà. Mmh. Et si ces filières-là étaient tout simplement refermées, et on en revient finalement à l'après-guerre, c'est à ce moment-là que ça a commencé réellement, eh ben, on aurait beaucoup plus de champs pour produire de la nourriture variée, beaucoup plus d'espèces. Je peux me permettre de t'interrompre, il y a des endroits... pas trop en France, où ils rasent y compris des jungles pour faire de la culture de plantes. Le plus dévastateur, a priori, c'est l'huile de palme, mais voilà, on a des gros problèmes dus à l'industrie intensive de végétaux. On a les mêmes problèmes. Oui, mais des végétaux qui servent à quoi ? Alors l'huile de palme, c'est un cas particulier parce que c'est pour faire du gras. Mais voilà. C'est vrai que le soja, on a le même problème. Le soja. On en a parlé. Et pourtant, le soja, il est avancé comme étant la solution pour les apports alimentaires. Moi, je voudrais juste parler de nos eaux. On fait les débats des eaux, on est dans les eaux de Vosges. Et dans les Vosges, il y a plein de vaches. Il y a aussi d'autres animaux. C'est pour une simple raison. Il y a assez peu de culture dans les Vosges. C'est parce le Munster. Ouais, non, alors y aurait la richesse des herbes. C'est possible, mais c'est surtout que dans les zones à plus que 500 mètres d'altitude, vous n'allez jamais facilement mettre des champs de blé. Ce ne sera pas rentable. Alors qu'on peut y mettre des vaches. Et on a énormément, je cite les vaches parce qu'on mange. Mais on peut mettre beaucoup de choses. Tu nous parles d'aménagement du territoire, Julien. Si demain, vous êtes des véganes, on aurait un vrai problème environnemental. Mais ce serait quoi le problème d'avoir des arbres au lieu d'avoir des champs ? Non, on aurait des zones qui ne seraient plus entretenues. Alors, donc on aurait un... ah bah bien sûr que si. Non, là je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que je suis pas d'accord Julien parce que les zones qui sont utilisées par les vaches seraient exploitées pourquoi? Bah pour produire de la nourriture pour l'homme. Non, pas ça, par, ça n'empêcherait pas. Pas. Ça alors, pas. Il y a beaucoup d'utilisation. Sortant du milieu agricole, je vais remettre. Oui. Déjà, malheureusement en France, faut savoir que c'est les bonnes terres qui sont utilisées pour faire de l'agriculture. Mal, très certainement, parce qu'on est en bonne industrielle aujourd'hui. Mais il y a des endroits, vous allez dans une ville qui est connue, qui est Ornans, dans le Doubs, je peux vous garantir que depuis les années 50, les gens qui y habitent ne se sont jamais rendus compte, à tel point, de la désertification du manque d'agriculteurs. Pour une raison simple, c'est que les terres qui étaient peu rentables, qui servaient à l'époque à faire des vignes, à faire des vergers, ont été abandonnées avec l'industrialisation des lieux. Donc la population a augmenté au niveau bourg et au niveau service, mais la population primaire, celle qui travaillait la terre, a diminué. Donc il n'y a jamais eu autant de bosquets, autant de primo-forêts sur des parcelles de terre qui avant étaient complètement exploitées pour la vigne. Donc on est en France et on a des parcelles qui aujourd'hui, même dans un mode industriel, sont abandonnées. Parce qu'elles ne représentent plus assez de rentabilité par rapport à leurs difficultés de culture ou au type de culture qu'on veut y faire pour avoir un intérêt quelconque. On parle bien d'intérêt. Et toute l'industrie agricole est basée sur l'intérêt, le profit. Toute industrie est basée là-dessus. Voilà. Et dans les Vosges... pareil. Dans les Vosges particulièrement, bien sûr. Mais ce n'est pas propre à ici. Mais ici, on le constate, on y habite. Je t'invite à aller dans le Nord, tu verras qu'il n'y a pas une haie qui a résisté à l'agriculture moderne. C'est à ce point-là. Parce que 1 mètre de haie sur 100 mètres de long, avec des parcelles de terre qui peuvent atteindre les 10 à 20 hectares en une seule pièce de terre, j'en viens, quand ils te font et qu'ils veulent te faire de la pomme de terre à gogo, c'est 20 hectares de pommes de terre, pas un arbre, tu peux tirer un coup de fusil sur 100 km, tu te prends les plombs dans les fesses. Mais ici, tu peux pas parce que t'as pas des arbres, les terres ne sont pas les mêmes. Montagnes. Et les montagnes, c'est plus dur à couper. Et du coup, les terres, elles seront purement et simplement abandonnées. Ça veut dire qu'il y aura... Des paysans. Mais des paysans. Je suis pas d'accord avec ça. Pas des agriculteurs, des paysans. Je suis pas sûr que ça soit le risque. Hein. Je suis pas sûr que ça soit un risque. Il y aura, on devra payer pour l'entretenir. Oui, mais attends. On a parlé de vergers, Julien, excuse-moi. Non, alors, je te laisse parler juste après. Mais l'idée de l'entretien, moi, ça me perturbe. Parce que pour moi, la forêt équatoriale n'a pas besoin de Julien D pour faire l'entretien de la forêt équatoriale. La nature n'a pas besoin qu'on vienne l'entretenir. La nature n'a pas besoin qu'on vienne l'entretenir. Voilà. Le problème, alors maintenant, on a une exploitation. Les exploitations forestières, c'est sûr, elles sont gérées, elles sont administrées. Mais là, nos c'est arbres sont forestières. Voilà, nos arbres sont tous plantés bien correctement dans toutes les forêts vosgiennes. Maintenant, c'est ça. Il n'y a pas grand-chose de sauvage. Voilà, il n'y a plus rien de sauvage, il n'y a plus de forêt primitive. Donc quand tu n'as plus de forêt primitive, tu ne peux pas penser qu'elle va se reconstruire. Tout à fait. Ce qui va se passer, c'est qu'entre-temps, tu vas avoir le stade d'abord du roncier, après du bosquet avec les espèces basses, noisetiers, tout ce qui va être primo-noyer et compagnie, frêne, bouleau. Et arrivé à 25-30 ans, tu vas seulement avoir les espèces qui vont durer un peu plus longtemps, mais peut-être pas obligatoirement les espèces endémiques, celles qui s'y plaisent maintenant. Mais ça arrivera. Non, la nature va reprendre le pouvoir du terrain. Non, ce que tu appelles la nature, ce ne sera pas la nature. Ce sera ce que l'homme en aura fait par son travail. Ce qui va repousser, ce n'est pas naturel. Et c'est du déréglé. Ouais. C'est du déréglé. Quand on voit aujourd'hui les changements climatiques, ce qui va pousser, ce ne sera pas ce qui a poussé de manière endémique. Ce qui était naturel, exactement. Je ne suis pas spécialement d'accord avec ça. Moi, je pense que même si c'est la conséquence d'une ancienne utilisation du terrain pour des fins d'agriculture ou autre, la nature, c'est la nature. On la laisse tranquille. Non. C'est quoi ta position? C'est que ça redeviendra jamais naturel? Ça ne ressemblera jamais à ce qu'on a trouvé il y a 500 ans quand on les a déboisés. Ça, c'est clair. Ah, ça, c'est évident. Ça, pour moi, c'est évident. C'est même impossible. Ah, ça serait pour ça qu'il ne faut pas le laisser un naturellement, terrain. Naturellement, ça ne reviendra pas. Ça qu'il faut non, laisser. Non, attention. C'est juste que si on arrête l'élevage d'animaux complètement, on aura à réorganiser, à prendre en main l'environnement pour éviter qu'il devienne une zone dont on n'a pas envie. Je ne sais pas, ça pourrait être très bien que ça soit abandonné, mais on ne le voudra pas. Devoir dépenser de l'argent pour gérer un nouvel entretien. On fait des plans sur la comète, mais je vous rappelle que plus de la moitié du studio est pour continuer à manger de la viande. C'est intéressant ce débat, parce que ça rappelle quand même des priorités par rapport également à l'humanité au sens large, parce que là on parle des Vosges, mais c'est également l'humanité au sens large. Moi, quand j'entends Julien D dire que si on arrête l'élevage, qu'est-ce qui va se passer sur le terrain, moi je dis, c'est pas qu'il faut arrêter l'élevage, c'est qu'il faut revenir à un élevage un peu plus paysan, comme le disait PJ. Je suis totalement d'accord, et je dirais que c'est exactement pareil c'est valable complètement pour l'élevage et pour l'agriculture. Et qui dit élevage paysan dit réduire la quantité de bêtes, donc réduire notre consommation de viande. J'ai pas dit arrêter, je suis pas dans l'extrême. Évidemment, pour moi, le monde parfait, c'est tout le monde végétarien, mais j'oblige personne, c'est pas ma démarche. Mais on débouche sur un problème de société. Mmh. Une petite structure ne sera pas rentable. Enfin, il va y mais avoir. Des il va avoir structures des... peuvent répondre aux besoins. Voilà, mais il va y avoir des considérations, c'est concurrence ce avec les... d'autres pays qui, eux, ne changeront pas le modèle économique. Je t'arrête, Julien. De toute façon. Ce que je défends, c'est les prémices qui fera peut-être que plus de gens passeront, si, essaieront si de faire comme si le choix qu'on a fait nous, en localisme. Bien sûr. Ouais. Si on est fataliste et qu'on dit de toute façon ça sert à rien, c'est ce qui s'est passé dans les générations précédentes, ben on fera plus rien. Et puis il faut s'attendre à ce que nous annoncent les climato-sceptiques. La planète est foutue, quoi. Donc, ok, c'est un choix. Moi, c'est pas le mien. Maintenant, pour revenir sur la question, je pense que oui, on peut faire des choses et surtout, on peut les faire à notre niveau. C'est pas de dire il faut que notre président de la République ou que notre ministre de l'Agriculture prenne des décisions. Non, on ne fera changer le régime industriel qu'en changeant nos habitudes à nous. C'est-à-dire que si on dit il faut qu'on réduise la production de viande, bah, il faut qu'on réduise la consommation de viande. C'est mathématique. Maintenant, on change pas les mentalités en claquant dans les doigts. Je vais aller beaucoup plus loin que ça parce qu'on se focalise sur la viande. Oui, mais à sûr, mon avis, c'est tu vois, le sujet, là. Il y a peut-être une surtout erreur. Qui veut pas arrêter la viande. Non, non, non, c'est même pas ça. C'est que justement, je vais aller en disant on va arrêter la viande, donc on fait plus de végétaux. Okay. Par exemple. Mais les végétaux créent de la protéine. Tu vas avoir en tête soja, maïs. Il n'y en a pas 50. Il n'y en a pas 50 qui produisent suffisamment de protéines. Soja, maïs. Tu vas nous les planter où et quel va être le coût environnemental de les faire? Alors, quand je dis coût environnemental, c'est quel va être, parce que l'industrie s'en mêle et nous fait des plans, parce que la soja et maïs, on est en plein dans l'OGM, plein dans le transgénique. Complètement, complètement. Et quel va être l'impact sur quelque chose dont personne ne parle? Les insectes. Ah, c'est-à-dire que le fait de mettre... Tout à fait. Voilà, de mettre... Fait. Demain... On parle des pesticides mais et les OGM. Ah, moi, bah, j'ai voilà. envie de dire que ce sera encore pire. Pourquoi je suis contre les OGM? C'est pas seulement par rapport à ma nourriture à moi. Mmh. C'est que je sais que c'est l'ensemble de l'écosystème qui est condamné par l'OGM à long terme. On n'a aucune idée de ce que ça va provoquer. On se dit, bah, soyons des savants fous, on fait ça à l'ancienne et on verra bien ce que ça donnera. Et dans 50 ans, dans 60 ans, les générations qui vont arriver derrière nous, j'aime beaucoup la chanson de... comment il s'appelle c'est pas Benabar, c'est... Écoute-moi petit... c'est pas joli joli... Je vois, j'ai l'air... Le petit jardin, c'est pas presque parler, scander. Ouais, ouais, ouais. Ah, et plus que chanter, j'ai le truc... Oui, Mickey 3D. Mickey 3D qui dit, tu parleras respire. À tes petits-enfants, ouais, respire, ils auront qu'un œil, toi t'en as deux, ils te demanderont pourquoi, tu passeras pour un con. Oui, on sait pas ce que ça va provoquer, on a aucune idée. Alors pour les insectes, ce sont les premières victimes. Je vais faire un peu d'humour, désolé. Quel massacre provoque-t-on chaque été quand on prend la voiture? Quel massacre d'insectes, le nombre d'insectes écrasés sur les pare-brises. La blague est terminée, mais d'un point de vue beaucoup plus sérieux. Les abeilles sont responsables de la pollinisation de 80% des espèces de végétales de notre planète. Je dis bien toutes les plantes, pas que celles qu'on mange. Celles qu'on mange et celles que les animaux mangent. Ouais. C'est-à-dire que si on n'a rien à donner aux animaux à manger, on n'a même pas d'animaux à manger. Donc, rendons-nous compte de la responsabilité de ce minuscule insecte qu'on a tendance à éclater quand on le trouve, au lieu de le laisser simplement retourner dans son chien. Et donc, du coup, ce que je voulais en venir avec tout ça, c'est que, est-ce vraiment le moment de passer au végétarisme ou au véganisme, dans le sens où la solution alternative, c'est d'avoir de la protéine végétale, qui... en laissant les industriels s'en mêler pour fournir la demande qui est en train de se créer, va créer un prochain délire écologique. Mais on est d'accord, comme ça pose un problème. C'est toujours une question d'intérêt, et c'est ça le vrai problème. C'est-à-dire que si on laisse aux industriels les clés, c'est-à-dire qu'on leur dit, écoutez, nous, on ne veut plus manger de viande, donnez-nous autre chose. On a trouvé, mais comme alors, tu as dit, trouve-nous une solution, le maïs alors. Et le soja. Parce qu'aujourd'hui, le monde est ainsi fait, on a des industries puissantes qui donnent de l'emploi, qui sont installées, qui représentent des milliards... comment on fait pour passer de ce modèle-là qui compte des acteurs puissants à un autre modèle? Moi, je vois pas. Alors, est-ce que la solution, c'est d'aller lancer des cailloux sur les vitrines des bouchers? Je suis pas certain. Écoute, quand on a commencé à parler d'agriculture biologique, on a vu des gens qui se sont rebellés contre un McDo. Excusez-moi de citer une marque. On a même prétendu qu'ils avaient détruit, saccagé et brisé des emplois, alors qu'ils ont simplement déboulonné une enseigne de Ronald McDonald. On a fait tout un tapage dessus. Aujourd'hui, l'agriculture bio se développe. Hélas, excusez-moi, le hélas, bio, ouais. C'est l'industrie bio qui se développe. Ce n'est pas l'agriculture bio. Ouais, c'est et ça. C'est là que je mets un hélas. Le problème, c'est le moment où l'industriel se dit tiens, mais c'est l'offre et la demande. Non, mais c'est l'offre et la demande. On est bien d'accord. Il y a une demande. Et moi, on peut que se féliciter que le bio se développe et que la demande existe beaucoup plus qu'avant. Tu vas pas me dire que c'est bien. C'est pas une bonne nouvelle que c'est les gens bien. S'intéressent autant à manger sain. C'est bien, mais c'est pas bien. C'est ça le problème, c'est qu'il y a le c'est bien et derrière le c'est bien, on enlève la petite. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu aurais préféré rester tout seul à manger bio ? C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Le problème, c'est qu'on a donné les clés aux industriels. On aurait dû le dire aux industriels : vous voulez faire du bio ? Ok, il y a des règles. La première, locale. La deuxième, non mais maximum local. Je veux dire, on va chercher des produits bio à l'autre bout de la planète. Parce qu'on n'a pas, les filières françaises pour mais le faire. Mais ça, c'est l'excuse. Ce n'est pas une excuse. Si, c'est une excuse. Attendez, il y a des filières qui peuvent se créer, mais on est d'accord, il faut du temps. Autour il y a des filières qu'on a détruites, les cornichons. Il n'y en a plus un seul fait du côté de Dijon. Bravo, on les fait en Inde. Oui, mais il n'y a pas que ça. Mais tu vois, autour de la table, on est tous. Voilà, on fait peut-être attention à ce qu'on mange. Moi, je mange plein. Nous, on mange parce qu'on n'a pas le temps. On ne peut pas en passer une. Non, mais moi. Pour une fois, Julien, excuse-nous. Moi, je mange beaucoup d'avocats bio. Voilà. Ouais. Mais les avocats, il n'y en a pas en France. Comment tu sais que c'est bio ? Eh ben parce que c'est marqué dessus. Ah ouais, ah, voilà. Tu donc, as confiance. Moi, j'y crois pas. J'ai pas le choix. Il faut bien que. Avocat et bio, ça rime pas. Hein. Quand tu sais comment c'est produit, ça rime pas du tout. Ah ben écoute. Oui, mais ce qu'on veut dire. Gaël, en fait, tu manges des avocats ? Oui, bien sûr. J'adore les avocats, mais je t'avoue que quand j'ai vu comment c'était fait, mais il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. On m'a même dit qu'il fallait pas utiliser les sèche-mains dans les toilettes publiques. C'est moi qui t'ai appris ça. Je voulais pas citer mes sources parce que c'est bourré de microbes que ça nous injecte sur les mains alors qu'on vient juste de se les laver. Ah, c'est vrai. Donc, ça. Ouais, c'est vrai. C'est non, mais c'est pour vous dire, il y a plein de petites choses. Oui, voilà, c'est ça, les souffleurs. Mais là, je t'avoue, pour l'avocat, je pensais plutôt que comme l'industrie s'en est très bien mêlée, en fait, tout simplement, le bio. Dans la notion internationale et le bio dans la notion française n'ont pas le même sens malheureusement et que déjà, pour eux la notion énorme, de bio c'est-à-dire que t'as le droit de mettre 20 pesticides dessus. Ah, ils sont tous inférieurs aux législations européennes. Certains sont interdits en Europe mais à l'étranger ils sont autorisés. Voilà. Et le problème c'est le mix, c'est-à-dire le mix de pesticides qui est mis dessus. Chacun est inférieur au niveau européen. Alors la totalité, on se prend un bain de 20 pesticides. Non, alors attends. Magnifique. Là, on parle de bio. Je suis désolé. Dans le bio, une des règles de base, que ça soit à l'étranger ou en France, c'est zéro pesticide. Ah non, pas du tout. Alors faut la première chose. Il y en a moins, mais il y en a. Je suis pas certain. Remontons le temps. Ça avait été étudié, hein, de quelques années. Et la première, bon. Mais c'est aussi... toujours mieux. C'est toujours mieux de manger quelque chose qui est labellisé bio, qui a peut-être eu. Il y a moins d'agressions. Moi, je suis. Non, mais quelque part, je comprends ce qu'il veut dire. C'est mieux. Mais c'est pas bien. C'est loin d'être parfait. Ouais, et le problème de ce mieux, c'est qu'en fait, on nous vend ça comme étant, on est passé du truc qui était à 6 pieds sous terre à quelque chose qui est exceptionnel, qu'on va mettre note 10 sur 10. Mais en fait, on a oublié que l'échelle, elle n'était pas à 10, elle est à 100. Et on n'est qu'à 10, en fait. Et le vrai bio, les espèces endémiques, les variétés anciennes qu'on a complètement perdues parce qu'elles n'étaient pas rentables, ça, c'est elles un sont sujet, à 100. Ça. Et on les a perdues. Et pour revenir sur le sujet du véganisme et sur la partie de la production alimentaire, je pense qu'on aurait tout intérêt à développer ces terrains qui aujourd'hui sont largement surexploités pour nourrir des bêtes, pour nourrir un homme. Si cet homme-là décide aujourd'hui, parce qu'il ne faut pas dire demain, décide aujourd'hui de dire ben moi je préfère manger moins de viande, m'habituer aussi, parce que le problème c'est qu'on s'est déshabitué des légumes, m'habituer aux légumes, à leur saveur, essayer de retrouver. Là ce plateau qu'on a emmené, on a détaillé ce qu'il y avait dedans. Il y a des choux-fleurs, il y a des carottes, il y a des tomates, il y a des radis, il y a des olives. Est-ce que vous avez essayé de goûter? Juste me permettre de sortir viens jusqu'à nous, on t'entendra plus, c'est dommage, mais je pense que tu partageras tout ça. J'ai jamais dit non mais goûte-les sans la sauce. Est-ce que vous avez déjà goûté des légumes? J'imagine PJ certainement. On a du jardin. Je mange sans sauce. On fait notre jardin. Donc du coup, moi j'en suis encore un stade au-dessus, c'est que pour moi limite exactement. Ça, c'est déjà une c'est version déjà industrielle. Bon. Ah oui. Exactement. Alors j'en déjà suis déjà une étape au-dessus. C'est industriel. Mais non, ça se mange quand même. Et moi, ce que je pense qu'il aurait fallu faire, c'est demander à PJ. Il aurait fallu demander à PJ de venir avec ses productions fraîches. On aurait goûté ça. Alors, et t'aurais dit, ça a du goût. Julien, on a goûté. Je vous propose autour de la table de goûter les tomates jaunes. Elles sont immondes. Goûtez-les. Non, mais elles sont immondes. Elles sont pas mûres. Ah, elles sont dégueulasses. Je ne citerai pas de la marque, mais d'une, c'est pas bio. Les rouges, c'est meilleur. Et de deux, non, elles sont pas bonnes. C'est l'industriel. Donc il y a deux bonnes raisons qui font que ce soit pas exceptionnel. Mais on a perdu la saveur des choses. Ah, clairement. On a perdu l'habitude des saveurs. On rajoute des sauces, on rajoute des épices, on rajoute. Tu sais quoi? Mais moi, je vais aller plus loin. Je vais te dire aussi, sur les légumes, c'est le cas, mais on a aussi perdu la saveur de la bonne viande. Alors là, je suis d'accord aussi. Ah! Les plats réellement travaillés et la manière de travailler la viande. C'est-à-dire que nos ancêtres faisaient une chose qui maintenant, pour les gens qui veulent du zéro bactérie, de la propreté, on faisait rassir les viandes. Ça portait bien son nom. On laissait les bactéries faire un travail de prédigestion de la viande, de manière à être sûr et certain d'avoir, le goût exhausté, mais aussi une autre absorption du contenu de la viande et une meilleure absorption. Aujourd'hui, exactement. Alors, aujourd'hui, la prédigestion. Rassis, c'est bien. La prédigestion, c'est pas vendeur. Non, mais voilà, rassis, c'est ce que ça veut dire. Je n'arrive pas à retrouver le lard comme faisaient mes grands-parents. C'est clair. Je n'y arrive pas. Même en allant dans du haut de gamme, non, j'y arrive pas. Mais il le fumait en 3 jours. Ouais. 3 jours avec un feu d'une heure par jour. Ouais, tout à fait. Bah maintenant, non, ils font ça en 3 heures. Mais c'est pareil pour le goût à proprement parler. De la prédigestion. Je vous parlais pas spécialement de la préparation. Je vous parlais rien que de la viande. Une vache ou un bœuf qui a été alimenté avec des super produits tout au cours de sa carrière. On commence à en retrouver un petit peu parce qu'on a la chance d'habiter dans les Vosges. On a quelques agriculteurs bio qui font des super viandes. Qui font des choses. On commence à en retrouver. Mais il faut que ces agriculteurs ils reviennent petit à petit à une façon que faisaient. C'est des produits de luxe. Et c'est ça le problème. Tu penses au bœuf de Kobe, là, c'est même alors, plus du luxe. C'est des super produits. Mais c'est ça pour le vin, c'est ça pour plein de domaines. Alors, mais on n'est pas c'est des super de produits. Mais au quotidien, moi, j'aimerais trouver un produit juste normal et qui ne soit pas c'est du luxe. Ça. On est d'accord. C'est ça le vrai problème. Par contre, c'est pas forcément. L'avantage, c'est que quand c'est produit localement, alors ça, c'est quelque chose que quelqu'un dans une très grande ville, il pourra pas. Mais nous, on a la chance, on va aller chercher directement. À l'agriculteur, il y a beaucoup moins d'intérêt. C'est des José Bovébi, c'est ce que je veux te dire. C'est que va trouver aujourd'hui des agriculteurs qui veulent faire de la filière courte en élevant ensemble. Tu les comptes sur les doigts d'une main, c'est compliqué. Mais il y en a quelques-uns. C'est vraiment compliqué. Il faut que ça se développe. Alors, moi, je pense pas tant que ça, mais en tout cas que ça reste qu'il y ait plein de choix locaux. Voilà. Ouais, mais que ça se développe, je suis toujours méfiant parce qu'on sait comment ça finit. Ça se développe pas trop non plus. C'est repris par les industriels. Mais on a vu l'exemple des AMAP pour ce qui était de la production alimentaire. C'est quelque chose qui marche. Ça marche très fort. Les paniers un peu partout, c'est exceptionnel, c'est de la qualité. C'est en train de se faire bouffer par les boutiques bio. La présence maintenant des boutiques bio sur le territoire est en train de tuer les AMAP. Moi je l'ai vu, je l'ai vu dans le coin, il y a des AMAP qui fonctionnaient vachement mieux avant que maintenant. Parce que maintenant, les gens se rendent plus facilement dans une boutique bio. On voit Armiremont, ça pousse de partout. On a plein de commerces alimentaires bio. Et cette présence-là est en train de tuer aussi. Je crois qu'il y a deux anciennes 100% bio, qui se disent 100% bio en tout cas, Armiremont. On va se faire un tout petit break, parce qu'après, moi, j'ai quand même envie qu'on repasse un peu de temps sur l'animal, vraiment sur la viande. Hein, c'est quand même la base du sujet, sur la viande, sur la bidoche. Attention, pour moi, il y a une distinction à faire entre l'animal et la bidoche, alors dans ce cas-là. Non, mais alors, on va quand même expliquer. Il est en plein régime, il rêve de protéines, il rêve de viande. Ah, j'adore la viande. En ce moment, c'est le viandard parfait. J'aime la viande. Il en rêve. On se retrouve dans quelques instants pour en parler. Il n'en peut plus, là. Il veut c'est le débat des hauts. À son saucisson. Il est 21h22. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. How can I love you when you don't talk to me? Well, how can I breathe with no air? Well, I could only see what's in front of me. But what's there is more than what I thought there. Tell me to sleep to see you in my dream. And in the evening sky, I cast my eyes, a beautiful view. colors I could see. Well, life would be bad, it's hard to conceive. Well, it don't mind, there's a window to see. But far and wide, if you just believe. And when we're feeling good, everything's okay. Qui ne ressemble à aucune autre. C'est reparti, nous revoici dans le studio de Radio Guimauzo pour notre soirée débat. Le débat des hauts avec nos amis habituels, nos invités exceptionnels. On reparle encore un tout petit peu du bio. Où est Laetitia ? Où est... Laetitia, elle arrive, t'inquiète pas. Elle n'est jamais bien loin quand je suis quelque part. Non, parce que c'est vrai qu'elle voulait reparler du bio, mais elle a raison parce que c'est... C'est charnière dans les sujets qu'on est en train de parler d'alimentation et d'actualité par rapport à l'alimentation, à l'évolution des mœurs. Elle, sa position, je crois qu'elle n'y croit pas du tout. Ben non, parce que ma femme est très cartésienne et c'est vrai que bon, elle adore les petits reportages, non, les grands reportages de Madame Lucet. Ah ouais. Et donc elle est toujours un peu dans la paranoïa de qu'est-ce qu'on nous cache derrière la petite étiquette. Et c'est vrai que comme elle dit, on l'a entendu plus d'une fois, le bio qui a fait 10 000 km en avion, oui, il est peut-être produit bio, mais alors le coût carbone pour venir jusque chez moi, il n'est pas du tout bio celui-là. Non mais alors, ouais, mais de mon point de vue, le produit que tu auras juste à côté qui n'est pas bio, il se sera tapé quand même 10 000 km, mais il aura en plus été aspergé de saloperies. Ouais, mais je pense que pour parler de bio, faudrait que le bio soit réservé à du local. Un avocat bio, pour moi, ça n'a pas de sens. Une banane bio, pour moi, ça n'a pas de sens. Parce que si on part du principe que le bio, c'est la totalité du respect de l'environnement, le transport fait partie du manque de respect envers l'environnement. Je suis pas... Donc voilà. Je pense que ça, c'est pas vrai. Non, moi, le bio, c'est une nourriture saine. Après, à côté de ça, on a la production... Et qui respecte l'environnement. Respectueuse de l'environnement. C'est bon, pas la même chose. Ah non, mais le bio, c'est les deux réunis. C'est-à-dire que c'est sain pour nous au niveau alimentation. Voilà, c'est le mélange des deux. Donc voilà. On va pas dans mon esprit. Je comprends le raisonnement. Hein. Je partage le fait qu'il faut privilégier le local. Hein. Je parlais de toi justement. On avait Laetitia, besoin de ton avis, mon amour. Laetitia, s'il te plaît. S'il te plaît. Quand tu prépares des bons petits plats à ton chéri et à ton fils, il se présente aussi. Tu nous as dit tout à l'heure que tu ne croyais pas au bio et tu n'en achètes même pas du coup. Ah non, pas du tout. T'achètes rien de bio, toi. Rien, que dalle. Moi, j'achète quasiment que ça. Non, mais c'est vrai que le débat est pour moi, c'est un effet de mode. On achète au marché quand on est vraiment bloqué parce qu'on n'a pas la production. On va vraiment au marché local au niveau de gens qui font la production, pas au niveau de gens qui font que les vendeurs. Voilà. Mm-hmm. De manière à s'approvisionner vraiment en circuit court. Donc, on les reconnaît parce qu'il y a des gens qui sont habitués à s'approvisionner à Rungis et puis à revendre après. Hein, on en connaît. Donc, elle fait les marchés locaux à l'ancienne. Et elle a ses fournisseurs et elle s'est les sûre. Voilà. Lui, il produit, il a que les légumes de saison. Quoi. T'as plus confiance dans ces petits camelots sur le marché quand l'étiquette bio chez Auchan, Leclerc je et compagnie. Je peux pas dire que ça soit des camelots parce que j'ai travaillé sur les marchés, donc je connais les commerçants et je sais où est-ce qu'ils sont produits. Ok. Et on est déjà allé physiquement chez eux aussi. Parce qu'on trouve, voir, sur les marchés, on trouve encore des petits gars qui font leurs légumes eux-mêmes. Bah oui, exemple, fruits et légumes, il y en a un qui fait les marchés à Saint-Loup, mais qui prend toute sa cam ici sur Remiremont. Remiremont et alentour. Il y a un marché des agriculteurs bio à Épinal toutes les deux semaines également, le vendredi. Donc il y a de quoi se fournir localement bio. C'est ça. Dans les Vosges. Il ne faut pas penser que c'est complètement fou ou impossible. Maintenant, je peux comprendre qu'il y ait des doutes par rapport à des choses qu'on achète en grande surface estampillées bio et qu'en fait, derrière, on se demande ce qu'il y a réellement dedans. Ça, voilà. Je peux le comprendre. Je peux comprendre qu'il y ait des doutes parce que je suis le premier à en avoir. On n'a pas parlé, mais on pourrait en parler des labels bio, qu'ils soient européens ou qu'ils soient français. De toute façon, comme le disait PJ, il y a une tolérance du pesticide. Cette tolérance, j'ai envie de dire, elle est également évidente parce qu'on est dans un pays qui surproduit en pesticides et qui surconsomme également par la même occasion. Donc c'est difficile d'avoir une alimentation bio, sauf d'aller se mettre au Pérou ou en Bolivie, encore que là-bas c'est encore pire parce que ce sont nos industriels qui viennent. Par exemple, l'avocat, il vient du Pérou. Hein. Bah souvent, oui. Il y a Maroc Pérou, aussi. Ouais, c'est Maroc, des pays où voilà, la législation donc, est très très floue par rapport à tous les produits qu'on peut mettre dedans. On n'a pas vraiment de garantie sur ce avocat, qui arrive. C'est tellement bon aussi. Le problème de l'avocat, c'est que... À la mayonnaise. Il met un mois à venir, l'avocat, en moyenne. Donc il fait comme avant avec les pommes espagnoles. On leur met des produits à l'intérieur pour éviter un mûrissement trop tôt. Mais vous savez quoi ? J'ai l'impression... qu'on n'est plus du tout sur la viande. C'est pas sur l'alimentation. Quoi. Oui, quelque part, on est sur l'alimentation et ça rejoint le thème. Moi, je dois quand même reconnaître que c'est le thème qu'on avait reçu de notre animateur principal. Ah, tu ressors le texto. On va ressortir le texto véganisme ou la remise en question du modèle alimentaire. D'alimentation, exactement. Et je pense que le modèle alimentaire qu'on a depuis les années 80 n'est pas bon. Simplement. Et je pense qu'il faut. On est tous d'accord, à mon avis. Je pense qu'autour de cette table, on est tous d'accord. Et la malbouffe, c'est le summum. Les hypermarchés qui survendent et surproduisent toutes les cochonneries, et j'en achète. Oui, mais vous, végétarien, votre choix pour changer votre alimentation, c'est de vous passer de la viande. Pas seulement. Faire le choix de l'agriculture bio, c'est aussi choisir davantage local, c'est aussi choisir davantage respectueux de l'environnement. Il ne faut pas considérer qu'il n'y a que l'aspect retrait de la viande. Ouais. On retrouve dans les bio de la viande, on retrouve dans les... Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Moi, tout à l'heure, on était ensemble à Leclerc, hein, on va dire. Hein, dans une grande surface du secteur. Tout à l'heure avec Gaël, on essayait de trouver un petit plat spécifiquement vegan. Tu as remarqué une chose, c'est que tous ces plats à base de soja, les espèces d'imitations de viande, il n'y a rien de bio. Alors, c'est pas qu'il n'y a rien de bio, c'est que dans nos grandes surfaces aujourd'hui, il n'y a pas grand chose de bio. Il n'y a pas grand chose en bio sur ce domaine-là. Mais oui, mais pourquoi ? Parce que les gens se disent tiens, je vais prendre du végétal, ça veut dire que je ne mange pas de l'animal, je fais un effort, c'est bien. Ouais. Je ne vais pas dire non. Mais c'est mieux, mais c'est pas bien. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. On est à 10, on devrait être tendre vers 100. Je voudrais poser une question piège à Gaël. Ah, j'aime bien. C'est valable aussi à Lou, parce qu'en tant que végétarien, si vous aviez le choix entre un plat à base de viande, pas forcément que de la viande, hein, il peut y avoir un accompagnement. Un couscous. Voilà, où il y a de la viande, mais bio, mais vraiment certifié bio, made in PJ, hein, vraiment le bio local, le perfect du bio. Enfin, si tant est que ça puisse être perfect, parce que l'atmosphère est tant est polluée. Et puis à côté, vous avez le choix avec un repas vraiment végétarien, mais alors pas du tout bio. Pesticides, OGM, tout. Vous auriez facile à choisir. Que moi je prends pour moi le manger. Oui. Ouais. Tu sais qu'il y a des OGM et des trucs bien dégueux du côté végétarien. Ouais, du côté végé. On est bien d'accord. Ça veut dire que ça a été préparé par un type qui précisément l'a fait pour me nuire. Déjà, sans doute. Non, mais c'est suicide là. C'est Julien D qui a préparé une assiette. Soyons précis. Quelque chose de mangeable, quelque chose qui répond aux normes sanitaires. On est bien d'accord. La personne qui aura préparé ça l'aura fait dans une dynamique spéciale. Parce qu'une personne qui mange végétarien, déjà il y a une démarche qui est différente. Mais si t'as très faim parce que ça fait deux jours que t'as pas mangé et que t'as le choix, t'es enfermé dans ta radio, t'es bloqué là où tu travailles ou chez toi, chez toi ça risque pas d'arriver, mais t'es enfermé, c'est vraiment, une catastrophe, les transports sont bloqués, t'as vraiment faim, t'ouvres le frigo, c'est tes prédécesseurs, tes collègues qui avaient préparé à manger pour eux, ben ils ont eu l'occasion de repartir, t'ouvres le frigo, t'as le choix. Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que dans le frigo, il n'y a pas tout ça. Ouais, mais t'es pas chez toi finalement. Voilà, mais moi, quand je ne vais pas chez moi, j'apporte ce dont j'ai besoin, je parle de la radio par exemple. C'est de la veille. Mais on est d'accord, si déjà c'est de la veille, j'aurais quelques doutes. Non, je plaisante, il ne faut surtout pas jeter l'alimentation qu'on a préparée la veille. Le gaspillage alimentaire, c'est encore un sujet. Ah oui, alors je pense qu'il y a beaucoup à dire. On va refaire le monde, là. on est parti jusqu'à 5h du matin. Est-ce que tu céderais par nécessité? T'as déjà cédé? Alors oui, j'ai déjà cédé. Alors je vais vous raconter quand est-ce que c'était et je pense que ça va expliquer beaucoup de choses. C'était le 15 juillet 2006. Il était entre 4h30 et 5h du matin. Je venais de passer une nuit blanche et ma femme était sur le point d'accoucher de mon fils. Et j'étais épuisé, éreinté. On avait oublié de prendre le sac de réserve de bouffe prévu pour cet accouchement puisqu'on était en séjour chez mes beaux-parents. Et donc, je n'avais rien à bouffer. Et là, clairement, j'ai fait tout l'hôpital avec mes pièces de 2€ en espérant trouver quelque chose de végétal. Et je peux te dire, je n'ai rien trouvé. Il fallait quelque chose de nourrissant. L'infirmière m'a donné un verre de jus d'orange. Merci à l'infirmière. J'ai pas son nom, c'est dommage. Une dédicace. Ouais, une dédicace spéciale à cette infirmière. Et j'ai été saucisson obligé. Sec. Non, dans un hôpital, dans un distributeur. Je te laisse imaginer ce que tu trouves dans un distributeur dans un hôpital. Alors, qu'est-ce qu'il y avait de carnet? Ni bio, ni végétal. On est bien d'accord. C'était ni bio, ni végétal. Il y avait beaucoup de sucre, mais c'était ces fameux sandwichs triangulaires dont je tairais la main. Ah, c'est immonde. Avec du jambon dedans? Alors du pseudo jambon. J'ai choisi de prendre le modèle poulet. Ah, et t'as mangé le poulet. Et je peux te dire que j'étais en train de tourner de l'œil dans la salle d'accouchement et l'infirmière m'a demandé, c'est limite si elle n'a pas exigé, que je le mange. Donc c'était quand même nécessaire parce que j'étais vraiment au bout du rouleau. Je venais de terminer ma semaine, on était un samedi matin, je venais de terminer ma semaine d'activité, j'avais passé une nuit blanche et j'avais pas bouffé depuis quelques heures. Et là, ma femme était sur le point d'accoucher, j'étais dans l'incapacité d'accueillir mon enfant en me mettant debout, quoi. Donc il y a un moment, il faut faire des choix. Et là, j'ai dit, attends, c'est quoi mon choix? Je dis, je suis végétarien, mon gosse, il se débrouille avec les infirmières, je le touche pas. Parce que franchement, je tournais de l'œil. Ah, t'étais anémié, oui. Voilà. Donc, moi, je suis désolé, il y a des moments où il faut prendre des positions. C'est un cas extrême. Et j'ai pris cet exemple pour répondre à ta question. C'est un cas extrême. Si je dois choisir entre me laisser mourir de faim ou manger un morceau de viande, je mangerai le morceau de viande. Oui, non, mais on parle bien de se laisser mourir de faim. Maintenant, si j'ai le choix. Ça je pense que je t'avais déjà posé la question. Mais à mon avis, oui, c'est ça la question. C'était entre du bio, de la barbac bio. Mm-hmm. De vraiment de qualité et une tomate cerise dégueulasse. Sans dire la marque. Bio qualité, c'est insidieux ça. Ah, mais c'est pas complètement faux. Oui, voilà. Ça peut être vrai, mais aussi dans l'autre sens. Ouais, non, mais voilà, est-ce que tu préfères manger de la viande? Enfin, est-ce que tu préfères Tu sais, on pose la question à Gaëlle, mais on peut demander à Lou parce qu'elle est exactement dans la même situation. C'est bien demander à Lou de répondre après. Parce qu'elle s'endort la pauvre. Il faut que Lou fasse une réponse plus courte. Gaëlle n'a pas encore répondu. Et si vous étiez, moi je préfère retourner la question, c'est-à-dire, et si vous étiez face à des plats exclusivement végétariens, vous les goûteriez vous les mangeriez sans aucun problème. Évidemment. D'accord. Mais parce que vous n'avez pas fait un choix. Moi, ça fait partie d'un choix. Je ne sais pas quelles sont les raisons derrière le choix de Lou, donc je ne peux pas poser cette question. Moi, je trouve que ça va... On est en train de dire à une personne, tu as fait un choix, par exemple, tu as choisi d'arrêter de fumer, ben, je vais te mettre dans une salle avec des fumeurs et tu vas fumer que tu le veuilles ou non. Ah, fumeur passif. Non, mais... Moi, je suis désolé, je ne peux pas manger ce que je veux manger. Ben, écoutez, c'est pas grave, je m'en vais. Il n'y a aucun problème. Moi, je veux poser de tort à personne. Si on a fait le choix de ne pas penser à moi, je me retire. Mais Gaël, j'ai pas d'ennemis. Depuis tout à l'heure, tu expliques que tu préfères ne pas manger de viande. C'est un choix. Tout mais tu préfères manger bio. C'est aussi un choix. C'est aussi un choix. Voilà. Maintenant, la question, c'est lequel te tient le plus à cœur dans les deux, entre ne pas manger de viande ou manger bio? Parce que moi, clairement, entre quelque chose... Je dirais les deux. Moi, je dirais les deux parce que... T'arrives pas à faire le choix entre les deux? Non, je pense pas que j'ai besoin de faire ce choix-là. Monsieur le mais ça m'arrive de manger pas bio, regarde, ça m'arrive de manger pas bio, c'est ce qu'on mange ce soir. Ma question, elle était, est-ce que tu faisais facilement un choix ou est-ce que c'était vraiment... Je n'ai même pas demandé... Avant, j'ai découvert le bio. Avant, c'était l'huissier, maintenant, ça va être le procureur. Non, mais c'était à toi que je m'adresse, hein, si tu voulais. Ah, c'est moi le procureur, non, là, c'était l'interrogatoire musclé. Maintenant, voilà, je crois que Gaël a à peu près répondu, enfin, on sait que pour lui, c'est pas évident. Non, il va cuisiner, Lou. Ça c'est pas bio ce qu'on a sur la table. Ça m'empêche pas de le croquer. Donc finalement, c'est radiophonique, ça. Hein. Mais c'est végétal. Le radis a été choisi conséquence. Tu veux que je prenne la carotte, ça fera le même bruit. Et toi, Lou? Écoute, c'est compliqué, mais encore une fois, c'est une question de choix, c'est une question de conviction en ce qui me concerne. Donc, je pense que si vraiment ça va pas et si j'ai vraiment faim, je mange le plat végétarien. Point barre. D'accord. Bah oui. Non mais c'est évident, voilà. Ah mais oui, c'est. Parce oui. que vous, voilà, vous vous. J'allais dire vous vous fermez parce que bon, il y a un point de vue derrière tout ça, mais on va aller de nouveau dans le débat, enfin c'est aussi pour dans que l'aspect animal. Parle un petit peu quand même. Hein. Mais elle fait son retour. Mais c'est pour ça qu'on va reparler de l'animal, parce que je suis sûr que Lou, elle attend ça avec impatience. On écoute un petit extrait de notre ami Cédric Villani, qui nous parle de souffrance animale à l'Assemblée nationale. Parce qu'il est député, il faut le rappeler. Il est député, bah, je pense que nos auditeurs sont au courant. Mais bon, on leur rappelle, oui, Cédric Villani, médaille Fields en quelle année 1900... Non, peut-être pas ce point. Tu sais qu'il a notre âge, on va s'alarmer là. Il a vraiment vieilli d'un coup. Quand il avait 10 ans. Non, mais on écoute Cédric Villani tout de suite. Pour certains de nos concitoyens, c'est juste une question empathique. On reconnaît en l'animal quelque chose de proche et de plus en plus proche au fur et à mesure que les années passent. Beaucoup des barrières qui sont tombées dans notre distinction entre les comportements psychologiques, cognitifs, des humains et des animaux sont tombés au fur et à mesure avec les recherches. Et on se dit que même si l'on s'autorise à prélever la vie des autres animaux sensibles, on doit le faire avec un grand respect. Un respect pour eux dans leur vie, un respect pour eux dans la mort. Tout à l'heure, l'un de nos collègues évoquait le besoin de traiter l'abattage avec le moins de souffrance possible. Cédric Villani, le 27 mai 2018, à l'Assemblée nationale. Je vais tout de suite vous rappeler un film de notre enfance que vous avez sûrement regardé, qui s'intitulait « Les dieux sont tombés sur la tête ». Est-ce que ça vous... Je l'ai pas vu. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose ? T'as pas notre âge, Julien, c'est pour ça. Ça. Eh bien, dans Lou, ce film-là... Lou, tu l'as vu, celui-là ? Trop jeune. Non. Ah, pareil, oui. Trop jeune. Mais c'est un film que je vous recommande, en dehors de son humour qui est quand même assez marqué. Il y a une scène qui est très... que je trouve... qui rentre dans ce que vient de dire ce monsieur. Le bushman vient... C'est pas leur nom de clan. C'est quoi un bushman ? L'homme de la brousse en voilà, Australie ? L'homme de la brousse, mais là c'est en Australie. Mais c'est pas en Australie, c'est en Afrique que ça se passe. C'est non, c'est sur le territoire du Kalahari. Ça y est, j'ai trouvé, le Kalahari. Et cet habitant des terres... qui n'a pas l'habitude de nos cultures, qui vit dans son village, et vivent entre eux, etc. Il y a une bouteille de coca qui leur tombe sur la tête. J'ai pas voulu citer de marque, mais c'est comme ça que c'est présenté dans le film. Mais un soda particulier, puisque la bouteille est assez solide, puisqu'elle est en verre. Et à l'époque, il n'y en avait pas tant que ça qui se vendait sur le marché. Et en dehors de l'histoire qu'il y a derrière, cet individu part à la chasse. Et... il chasse avec son arc, il tue du gibier, et il vient devant le gibier, et qu'est-ce qu'il fait ? Il explique au gibier, voilà, je dois te tuer, parce que pour nourrir ma famille, j'ai besoin de ta viande. Donc, je te demande pardon pour ça, mais je te remercie, parce que tu vas nourrir ma famille. Donc, il y a ce respect qui, aujourd'hui, n'existe absolument pas. Alors, tu as trouvé un exemple assez ancien, mais moi, ça me fait penser à Avatar. C'est vrai qu'il y a dans Avatar, il y a aussi cette notion de respect à la nature qui ressemble un peu à ça, à ce concept. Ouais. Mais on en a parlé tout à l'heure. Ce qui cause, à mon avis, le dérèglement et la réaction un peu épidermique des végétariens, etc., c'est l'industrialisation, la surconsommation. Et voilà, c'est vrai que ça prend des proportions phénoménales ces temps-ci. Il y a beaucoup de raisons, il y a beaucoup de motifs qui font qu'on peut devenir végétarien ou vegan. Il y a plein de raisons. Mais c'est pas par goût. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas le bon goût du beefsteak. Non, c'est le bon goût des aliments. Ça peut être aussi le bon goût des aliments. Moi, je connais des personnes qui sont devenues végétariens parce qu'ils avaient perdu la saveur des légumes. Parce que mais ça, c'est pas lié au végétarisme. Viande... Enfin, non, on est bien d'accord. Moi, je suis locavoriste. Franchement, j'apprécie le goût des très bonnes choses. Quelles qu'elles soient. Exactement. Un bourguignon. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas. Il y a plein de raisons qui peuvent faire qu'on devient végétarien. Une blanquette. C'est quoi le débat ? Ce soir encore, je renouvelle le corps à corps avec le pâté de foie. On retrouve les grands classiques de l'humour. Arrête ton régime, Julien. C'est clair. Une petite blanquette, c'est toujours sympa. Tu ferais appeler ton chien blanquette. Ça t'y fera penser. Avec les carottes, comme la dernière fois, les petites carottes, les petits poireaux. Je ne mets pas de carottes dans la blanquette. Ah bah, tu sais pas ce que tu loupes. Donc, pour essayer de revenir sur l'idée que j'ai perdue, Oui, il y a plein de raisons. On a chacun nos raisons pour être végétarien ou pas, d'ailleurs. Je n'ai pas les mêmes que ma voisine, que je ne connaissais pas avant d'être assis à cette table. Donc, je ne veux pas forcément que tu exprimes pourquoi, mais voilà, on n'a pas forcément la même position. J'ai exprimé, moi, tout à l'heure, pourquoi j'avais fait ce choix. Maintenant, il est multiple, ce choix, parce que je considère aussi l'environnement. Je considère tous les éléments que je vous ai évoqués tout au long de cette émission. Je pense que si on veut pouvoir nourrir la planète et plus que la planète, c'est-à-dire les générations à venir, il y a des choix qu'il faut faire à un moment donné. C'est un choix, une décision en conscience, quoi. Lou, pour moi et pour la à mon avis, ça intéresse nos auditeurs de savoir l'origine de... Enfin, à quel moment tu as fait ce choix déjà ? À quel moment ? Et pourquoi ? Parce que c'est vrai qu'autour de la table, tu es quasiment la seule qui a des fans. Mais c'est vrai. Mais Lou, attirons la sympathie des auditeurs. Non, mais voilà. Lou c'est l'animatrice vedette. Donc c'est vrai que tu as des habitués qui t'écoutent tous les jours. Je pense qu'ils connaissent pas ça de toi. Avec précision. T'es pas obligé de nous donner des détails, mais ils savent très bien que je suis végétarienne parce que dès qu'il s'agit de parler de festivals ou d'événements et qu'il y a de la nourriture dans le coin, je pense systématiquement à poser la question. Alors non pas que pour moi, mais pour les personnes qui ont des régimes alimentaires différents, parce que c'est vrai que d'un autre côté, quand t'as une particularité, une différence, donc un régime alimentaire différent. Ouais. Tu penses en fait aux autres aussi, ouais. Donc je parle aussi pour les musulmans, pour ceux qui ne tolèrent pas le gluten, etc. Après, le cheminement, parce que toi tu me demandes mon cheminement pour le végétarisme. À quel moment ça s'est produit, pourquoi, dans quelles circonstances? C'est compliqué parce que c'est un processus très long en fait. Quand j'étais à la fac, je savais que j'avais envie de le faire, mais je n'avais pas trouvé la motivation. De base, j'aime beaucoup la viande, hein. La question ne se pose pas. J'ai un goût assez important pour ça. Et je ne sais plus, un jour, je me souviens, il y a eu une polémique autour de Christine Accordula qui disait qu'elle ne voyait pas le problème avec le port de la fourrure. Alors, sur le coup, c'est vrai que vous pouvez dire, mais the fuck, qu'est-ce qu'il y a à voir ? En fait, moi, je me suis rendu compte que je suis contre le port de la fourrure, mais ça ne me dérangeait pas de manger de la viande. Et que là, j'étais dans ce qu'on appelle, ce que les véganes disent régulièrement, une dissonance cognitive. J'étais pas vraiment d'accord avec moi. Et je me suis dit, écoute, tu vas te mettre un petit coup de pied au cul et tu vas essayer au moins de transitionner. Donc petit à petit, j'étais flexitarienne pendant 2-3 ans, quelque chose comme ça. Donc tu as réduit progressivement ou... Oui, progressivement en fait. Après, je sais qu'il y a des moments où, quand j'étais en moment de stress ou de contrariété aussi, j'étais un petit peu plus portée vers les plats avec de la viande, hein, mais je pense qu'on ne va pas parler sur le lien entre la nourriture et l'affect. Mais à un moment, je me suis... C'est pas inintéressant non plus. Non, c'est un sujet le fait plus souvent. Et on le fait plus souvent avec le chocolat qu'avec la viande. Hein. Et pourtant. Oui, mais n'empêche. Et en fait, un jour, je me suis dit, écoute, t'as qu'à faire tu te lances un défi toute seule, tu fais un mois végétarien. Au bout du mois, je me suis dit, tiens, tu peux faire un deuxième mois. Et on est en octobre, on est 6 mois plus tard. Voilà. Et le coût, parce que c'est quelque chose dont on ne parle pas, puis après tout, puisqu'on parle de l'industrie, donc de la société, le coût de quoi ? De l'alimentation végane ? Est-ce que ça coûte plus cher ? Non, pas spécialement, parce qu'après j'achète pas... Pas végane, hein, végétarien. Oui, végétarien. Parce que végane, je suis persuadé, ça coûte plus cher. Ben, ça dépend si tu fais toi-même ou si tu achètes tout fait. Et là, on en revient à la question d'origine par rapport... Si je me permets, qu'est-ce que tu dis, si tu fais toi-même ? Modèle alimentaire. Qu'est-ce que t'appelles faire soi-même ? Cuisiner ? Parce que voilà, on a l'exemple de PJ quand il dit faire lui-même. Lui, c'est. Alors PJ ne fait pas grand-chose, hein, c'est surtout Laetitia. Moi j'ai planté, je m'en suis entretenu, c'est Laetitia qui cuisine à la maison. Oui, mais c'est vous travail. C'est ça, faire toi-même. Mais toi, quand tu parles, tu fais ta nourriture, pas tout, mais une grosse partie. Donc. Et je rejoins complètement cette manière de faire parce que, attention, hein, on va rentrer dans un débat qui n'est pas le lieu ici, mais Laetitia participe grandement à la vie de la famille par sa préparation de ses repas, mais celui qui amène les ingrédients et qui va chercher les ressources participe également, les deux participent. C'est pas parce que madame est à la maison que ça veut dire qu'elle ne fait rien. C'est pas parce que madame n'a pas de métier que ça veut dire qu'elle n'est pas utile pour la société. Et elle arrive à en avoir un à côté en plus. En plus, alors donc si en plus madame a un métier, vous êtes un exemple parfait de métier. Alors là, moi je m'incline. Je ne comprends pas trop pourquoi il la vouvoie, mais. Voilà, on est entre nous. Le débat des mots, tout le monde se tutoie. C'est une marque de respect. Non, mais Julien, qui nous connaît bien, qui est déjà venu à la maison plusieurs fois, sait qu'on a fait un choix de vie totalement différent et que pour toutes les étapes d'une vie au quotidien, on a vraiment pensé à être alternatif. Eh ben c'est ça qui est intéressant et alternatif, et finalement on rejoint la démarche de Lou. À un moment donné tu as aussi cette pensée altruiste. T'es, à un moment donné tu te dis mais c'est quand même triste qu'ils puissent, que les autres ne puissent pas profiter de toutes ces saveurs, de toute cette santé, parce que mine de rien ça nous donne une sacrée santé d'avoir des produits physique, bien sûr. Voilà, d'avoir des produits frais, des produits locaux, des produits pas toujours sans pesticides, mais ce qu'on arrive à trouver le plus... Il faut faire mieux, mais il faut toujours faire mieux que le mieux. Parce que le mieux, c'est 10. Moi, je veux qu'on vise le 100, on n'atteindra pas le 100. Mais... Désolé, c'était parti. Ouais, c'est pas complètement faux. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, le mieux, c'est l'ennemi du bien. Mais le mieux du mieux, on n'est pas encore au bien, parce que le bien, c'est 100. Et on est encore passé qu'à de 10 à 15 ou de 10 à 20. Ça, c'était le fameux bio dans le supermarché qui est... soi-disant mieux, mais il est juste... Il est à 10, voilà. Voilà, il est qu'à 10. Et en comparaison de ce bio-là, si on regarde la consommation de PJ et de Laetitia, elle est nettement plus proche du 15, du 20, du 30 ou du 40 que certains bio qu'on trouve dans le commerce, parce qu'ils sont industrialisés et qu'ils ont un impact sur leur environnement qui est bien plus important. Alors, chez nous, il n'y a aucun produit chimique. Voilà. Alors en plus, donc on recycle un maximum de déchets. Rien. Les poubelles sont minables chez nous, parce qu'on ne jette vraiment rien. On c'est a global, des animaux de ferme. C'est hyper global. Voilà. Il y a une démarche qui est beaucoup plus poussée que global, la mienne, même si on fait des efforts à la maison sur la consommation d'eau, sur la consommation d'électricité, etc. Il y a une démarche, et cette démarche, on parle de végétarisme, mais je pense qu'il y a toujours quelque chose derrière. On parle de véganisme, mais il y a toujours une démarche. Et la démarche ne peut pas être que dans un domaine. Elle est forcément, elle devient petit à petit globalisante sur l'ensemble du quotidien. Ça ne devient pas une obsession, il ne faut pas tout mélanger. Hein. Alors, il faut vivre. J'ai une petite anecdote. Il n'y a pas longtemps, on a eu des amis qui habitent la ville. Et quand ils sont venus manger à la maison, ils nous ont dit « Vous ne serez pas perdus, vous, parce que s'il y aurait la guerre, vous serez vous débrouillés par vous-même. » Exactement. C'est vrai qu'on parce est un peu on a les œufs, on a les légumes, vous on êtes a quasi autonome, hein, les fruits, hein, mais je fais pas mal de choses en conserve. Fin... Voilà. Et ça, s'est perdu. Et ça s'est perdu à mort. Ah oui, c'est une galère d'ailleurs à retrouver les gestes et le matériel pour réussir et les savoir-faire. Cela dit, il faut quand même rappeler que 80% de la population vit en ville. Oui, voilà. C'est très dur pour une personne qui habite en ville d'envisager ça sans déménager. Alors, c'est peut-être justement l'idée de dire que le modèle de la ville est peut-être, et de toute façon ceux qui sont hyper citadins le savent, que le modèle est en train de se perdre. De toute façon, pour moi, il n'est pas en train de se perdre, mais il est plus que discutable, il est dangereux. Ouais, tout à fait. Mais par contre, je suis désolé, même en ville, on peut faire des choses. Des efforts, oui. Il y a plein de choses. Je n'ai pas dit qu'on ne pouvait rien faire, j'ai dit que c'était plus difficile. Attention, c'est plus difficile d'avoir trois chèvres sur son balcon. Voilà, on ne peut pas élever tout ça. Je ne dis pas que c'est impossible. Ça se tente. On est bien d'accord, mais il y a maintenant des démarches de poulaillers collectifs, ça se fait dans les Vosges, dans des maisons de retraite ou dans des écoles. C'est pas la définition même d'une grande ville. Oui, non, les jardins sur les toits. Je parle à Épinal, il y a une maison de retraite à Épinal, une maison de retraite à Épinal qui a des poules sur son territoire et les œufs, parce qu'il y a des contraintes propres aux maisons de retraite, ne peuvent pas être consommés par les retraités. C'est vous dire l'aberration qu'il peut y avoir dans certaines législations. Mais ce sont du coup les employés qui en bénéficient. Mais il y a une démarche, et cette démarche, elle a plein d'aspects, il y a plein de bénéfices à cette démarche. Je pense que ça fait tache d'huile, surtout psychologiquement pour les gens. Enfin, c'est pas vain. Des petits efforts, mis bout à bout, c'est le colibri. Hein, exactement, c'est ce que j'allais dire, le colibri. Comment il s'appelle ? Michel Rabhi, c'est ça ? Pierre Rabhi. J'ai cherché son prénom. Le colibri. Hein. Tout à fait. Je sais que je peux pas faire grand-chose, mais le peu que je vais faire, je vais faire ma part. C'est ça. Hein. Moi, j'aurais fait ma part. L'incendie va tout cramer, mais moi j'aurais fait ma part. Je me serais démené jusqu'au bout, pendant que tous les autres sont en train de regarder sans en foutre une, mais moi j'aurais fait ma part. On ne pourra pas me reprocher d'avoir rien foutu. Ce qui est beau, c'est... Ça plombe l'ambiance. Ça plombe pas. Vous voyez, mais comme quoi l'aspect végétarien, en tout cas surtout de Gaël, pour Lou, c'est pas le même, parce que toi t'es antispéciste. Il y a quand même cette grosse nuance où toi, c'est vrai que ton argumentaire, tu le fondes énormément sur la qualité alimentaire et sur un choix personnel, notre environnement, un choix des choix, oui. Assez global. Oui, c'est voilà. Marqué, le discours de Gaël est vraiment marqué sur le choix environnemental. Alors que c'est pas du tout sur le bien-être animal et sur. Alors mais que ça l'a été plus là-dessus. Non, toi, mais ce qui est intéressant, c'est que ça l'a été. Ça a commencé par ça, ma démarche. Ma démarche a commencé par le bien-être animal. Et donc je me suis prendre la vie d'un animal pour le se nourrir. Pour moi, pour toi, pour ça te nourrir, choque quand même, malgré tout. Moi, je suis désolé. Je préfère aller dans un verger me prendre une pomme plutôt que d'aller égorger une poule parce que je veux bouffer. D'une, il va falloir la cuire. Je vais pas pouvoir la manger comme ça. Alors que la pomme, je peux la manger comme ça. Etc. Etc. Il y a Laetitia. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le point de départ de ma démarche était clairement pas de souffrance animale. Et je suis toujours opposé à la souffrance animale. Ce qui m'empêche pas aussi de porter des chaussures en cuir. Mm-hmm. Mais voilà. C'est un tout petit peu. Ça, c'est un paradoxe par contre. C'est un paradoxe. T'es prêt à tuer une vache pour le cuir. Ce que moi je trouve ce top, parce que je pense que le cuir est meilleur au niveau environnemental. La production de cuir est meilleure au niveau environnemental que la production de produits synthétiques. Bien sûr. Je pense que d'un point de vue environnemental, c'est préférable. Plus ou moins, c'est un peu compliqué. On recycle, si tu peux le prendre de la manière de dire, quitte à avoir tué la bête, tu exploites c'est au maximum. Ça. C'est ce qu'on a toujours la fait. La valeur du corps qu'elle t'a laissée. Ce que je veux dire, si tu regardes, si tu regardes la quantité de cuir qui est jetée, c'est lamentable. Ouais. Si tu regardes la quantité de cuir qui est jetée au niveau des abattages, je sors complètement du régime des abattoirs. Non, mais t'as raison. Mais si ne serait-ce que à mon avis, c'est transformé malgré tout. Hein, ah, mais c'est transformé. Et c'est souvent transformé. L'engrais ou je ne sais quoi. Et c'est souvent transformé en nourriture animale. Ouais. C'est ça qui est terrible. Protéines animales. Malgré la vache folle, ils vont faire ça ou ils vont donner ça à des saumons en Norvège. La vache folle a interdit de mettre le cerveau, les abats et les os calcinés. Voilà. Ça t'interdit pas la peau. Ah, il y a plein de. Voilà, il y a plein de choses. Berk, mais non, c'est non, on a évolué, enfin, mais pas beaucoup. Mais c'est la même chose. C'est ça qui est, c'est que c'est un petit peu paradoxal d'accepter de porter du cuir alors qu'on va quand même tuer une vache pour, mais pas manger la viande, parce que tant qu'à la tuer pour le cuir, pourquoi pas la manger. Je dis pas que c'est idiot, mais je dis voilà, ça peut sembler un peu paradoxal. Le calcul est valable sur le cuir, mais c'est vrai que si on parle de fourrure, ça sera carrément autre chose. Hein. Ah, pour moi, fourrure, c'est fourrure, c'est bien pire que ça. Croco et compagnie. Ouais. Non, parce que là, déjà, on tue des animaux exprès pour la fourrure, en très grande quantité. Tu vois les petits et lapins, des animaux qui sont des espèces pour certaines menacées. Il y a peu de temps, on a vu les lapins en Chine. Là, je ne sais pas si vous avez vu dans les médias, les lapins exprès élevés, pas pour la viande, mais pour la fourrure. C'est assez dégueulasse. Ah oui, non, mais oui, c'est immonde. Non, mais c'est pour ça que moi, je. Contrairement à ce que tu dis, je ne pense pas qu'il s'agisse d'un paradoxe complètement. J'y dis un petit peu, parce que je comprends que c'est différent. On progresse. Surtout qu'on tue beaucoup plus pour la viande, il y a des surplus de cuir, donc ton raisonnement se tient. Mais de prime abord, ce n'est pas évident. Oui. Voilà. Mais je pense d'une que tu t'es déjà largement posé évident. La question. J'ai pas la réponse, parce que je ne prétends pas avoir réponse à tout. Je n'ai pas la réponse. Je sais que je préfère porter des chaussures en cuir, parce que c'est pour moi la matière, l'une des matières les plus respirantes à porter. Et vu que j'ai des pieds qui peuvent tomber assez facilement malades, si je ne porte pas cette matière-là, je ne vais pas essayer le synthétique. Donc je me suis limité aussi pour ça. Il y a des moments où c'est pas le fait que pour protéger ma santé, je vais tuer une bête pour me faire une paire de chaussures. Une paire de chaussures, c'est pas l'ensemble d'une vache qu'il faut pour faire une paire. Avec une vache, je peux me faire 10 paires de chaussures, 20 paires de chaussures. Et voilà, on est bien d'accord. Je peux m'en faire pour les 50 prochaines années. Et moi, sans problème. Je vais t'en faire en tant que locavore, justement, quelque chose en allant encore plus loin. Tu te lances dans la chaussure ? Non, j'ai au pied une paire de chaussures. T'as fait une marque vosgienne qui s'appelle Mephisto. Pas de marque. Les chaussures, je les ai, je les tiens 10 ans. Donc en même temps, ça me permet de lutter aussi contre la surconsommation. Exactement. Et c'est pour ça, moi je pense qu'il y a un juste équilibre. C'est pour ça que je ne suis pas en faveur de dire il faut que tout le monde soit convaincu par le végétarisme. Mais je pense qu'il faut que tout le monde soit convaincu par un changement de régime alimentaire. Et ça, il faut que ce soit très clair pour tout le monde aujourd'hui. Ça fait des années qu'on en parle, on a parlé d'agriculture bio, on a vu les dérapages, on a parlé de végétarisme et de véganisme, on voit aujourd'hui les dérapages. Il y a un juste équilibre à trouver. Le problème, c'est de trouver l'équilibre. Et les industriels font tout pour que l'équilibre soit financier et dans leur intérêt. C'est pas un équilibre, en fait. C'est que tout soit dans leur intérêt. C'est un intérêt. Voilà. C'est un équilibre pour eux, pour leur compte. Pour leur désolé, il y a un décompte pour le nôtre. j'ai complètement coupé la parole à Lou. J'ai complètement occulté ma voisine. Ah, c'est pas grave. Avant de finir, j'ai une anecdote de. T'es un peu éteinte. Hein, de discours de véganiste un petit peu extrême. J'ai entendu, c'est pas ma tante, une personne qui disait c'est, même les pommes, elle veut pas il faut pas les cueillir parce que ça ferait souffrir l'arbre. Bon, ça, on sait que c'est faux. Donc, on en a parlé, ça. Les gens qui veulent manger des fruits, tu vas mettre les frugivores. C'est encore l'étape d'après le véganisme. C'est encore pire. Les crudivores. Et, crudivore, ouais, c'est affreux. Mais c'est en dessous, ça, c'est en dessous. Le pire, c'est pas, je sais pas lequel. Je crois que le frugivore, c'est le pire parce qu'ils veulent pas tuer la plante, ils veulent juste lui prendre son fruit. Oui, mais quelque part, ça se respecte aussi. Un fruit qui vient de tomber de l'arbre, il est bon à manger. C'est pas parce qu'il est tombé qu'il faut le jeter. Hein. Oui, mais ça, il faut les châtaignes, on les mange comment? Dans les vergers, il y a la question, c'est la remarque était, il faut pas le cueillir, il faut attendre qu'il tombe, donc il sera quand même. Un petit peu moins bon parce qu'il aura peut-être été étalé. Pourquoi moins bon? C'est ça, c'est dans notre pensée. Puisque ça aura peut-être moins parce qu'il a été étalé. Il aura moins la forme de ce que tu l'achètes en grande surface. Non, mais si une pomme il aura juste la forme normale de consommation. Si une pomme tombe, je vous arrête. Elle va se cader. Je vous arrête. Je pense qu'on fera une soirée. Une soirée frugivorisme. Peut-être la prochaine fois. Ne tombons pas dans l'extrême. Mais parlons régime alimentaire lors d'une prochaine émission. On pourra en faire une. Pour donner des petits conseils. Le problème, c'est qu'en général, quand on dit qu'on en refait une, on la refera jamais. Hein. Je vous rappelle qu'il faut qu'on fasse une soirée occultisme qu'on n'a pas encore refait. L'émission, hein, donc, on se cherche encore un peu. Je trouve qu'on a été plutôt bon ce soir. On en reparlera après. On vous demande votre avis. Non, mais on vous demande votre avis à vous, auditeurs. N'hésitez pas sur la page Facebook de Radio Gémozo de commenter, de faire vos remarques sur cette émission. On se retrouve, nous, le 15 novembre pour l'émission Le Débat des Hauts à nouveau. J'espère en présence de Lou à nouveau. Et en présence de Gaël, ça sera en fonction du sujet, le connaissant. Hein. Si le sujet te plaît, tu viendras. Hein, voilà. Je pense que je vais essayer de venir à ce rendez-vous mensuel. Ça pourrait être sympa. Mais c'est vrai que ce serait bien d'annoncer maintenant le thème qu'on aura la prochaine fois. C'est dommage de pas l'avoir. On te fera la surprise. Et je viens après une réunion. Non, mais c'est pour les auditeurs, ça sera un petit texto. Normalement, on le mettra sur Facebook. Dès qu'on l'aura, on le mettra sur Facebook. La semaine prochaine, dans deux semaines. La semaine prochaine, vous retrouvez. Memento Mori, non, c'est pas la semaine prochaine. Non, c'est Jukebox. Jukebox la semaine prochaine. Dans deux semaines, Memento Mori. Là, dans quelques minutes, vous retrouvez, enfin, dans une heure, vous retrouvez. Rock à la Casbah. Rock à la Casbah. Heureusement que Lou est là. Non, c'est vrai qu'à chaque fois, nous, on galère. La grille des programmes vivants. La grille des programmes. Nous, on se quitte. Je vais mettre, avant de remettre le diffuseur, le morceau de Lou anti-vegan que j'avais mis de côté et que j'ai pas pu mettre parce que je suis pas encore trop habitué. Bavard. Et puis, vous êtes très bavard. À dans quelques jours, au 15 novembre. À bientôt. Au revoir tout le monde. Merci Julien. Au revoir.